Dans quelques heures, ils seront à Ibiza et juste avant de partir, de prendre l'avion, ils vous réveillent et ils commencent la journée avec vous. L'équipe de Bruno dans la radio est en live ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et on est en live tous les matins. Rémi. Bah oui. À chaque fois, il nous dit l'équipe de Bruno dans la radio est en live ce matin. Tu sais que nous sommes en direct. Alors toi, peut-être que ton esprit est en différé en oui, fin voilà. de nuit. Mais nous, tu sais que les personnes qui viennent ici, physiquement, il y a un cerveau dedans. On est là en direct. Vous êtes là. Bon, et alors tu parles d'Ibiza, franchement je regarde l'équipe, j'ai l'impression que personne n'est dans le délire de partir à Ibiza. Ça. Ça va, c'est ça va. Alors c'est quoi? Parce que tout le monde est en Bermuda avec des tongs ou des t-shirts, ça veut dire quoi? On est Ibiza, c'est ça? Bah c'est ça, mais Bruno t'es déjà Ibiza parce que alors t'as du bleu sur la moustache, je ne sais pas ce que t'as fait. C'est du dentifrice. Je ne sais pas où t'as mis ta bouche. T'en as sur le coin de la... Ah mais il a fait l'amour avec un schtroumpf, on me dit. Non, mais c'est du dentifrice. Il s'est accroché, hein. Il a séché. Ah, c'est l'autre, l'autre côté. Mais les gars, et regardez-moi, voilà, et regardez Elliot, il a pas de traces bleues, la différence. Excusez-moi de travailler mon haleine. Ouais. Elliot, il a plutôt du jaune sur les dents, ça s'enlève ou pas? Non. Si, si, c'est du dentifrice jaune. Ça se ponce. Bon, les amis, l'équipe de Bruno dans la radio, on débarque chez vous dans quelques secondes. Première demi-heure avec Déo, Bailard. 6h10, tout ou gagné, tout ou perdu. Vous appelez maintenant, vous pouvez gagner entre autres votre écran de télé LED et votre PC portable. Tini Tempa, Zara Larsson, Girls Like vers 6h15. Et Calvin Harris, Rihanna avant 6h30. This is what you came for. Rémi, mon poteau. À demain, Ibiza. Et oui, on te retrouve à Ibiza. Faut savoir que là, et cette année, on s'est battu, mais toute l'équipe de Fun Radio part à Ibiza. C'est la classe. C'est ouf. C'est un petit peu la classe. Allez, on arrive chez vous juste après les news. Fun Radio. Le son. Fla. Le point sur l'actu de ce mercredi, c'est le 22 juin. Aujourd'hui, les infos avec Justine Salmon. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo. Ça y est, enfin, c'est l'été pour presque tout le monde. Un grand soleil sur la plupart du pays. Ce sera en revanche couvert, orageux, avec un peu de pluie en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie. Les températures sont aussi estivales, de 15 à 20 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 23 à Brest, 25 degrés à Lille, 29 à Strasbourg et 31 à Bourges. Et même temps attendu pour demain. À 8h, c'est le coup d'envoi des soldes d'été dans les magasins, mais aussi sur Internet. La météo de ces dernières semaines n'a pas vraiment incité les consommateurs à dépenser. Séance de rattrapage donc à partir d'aujourd'hui. Vous avez 6 semaines jusqu'au 2 août pour en profiter. Nous sommes à la veille de la manifestation contre la loi travail. Le gouvernement réfléchit encore à interdire ou pas ce rassemblement. Les syndicats ne lâchent pas l'affaire. Malgré les risques de débordement, ils veulent un défilé et non un rassemblement statique. Et toujours dans le contexte social, une bonne nouvelle. Si vous devez prendre l'avion ce week-end, les pilotes d'Air France ne feront finalement pas grève. Pour ou contre le don d'organes, peu importe, mais il faut le dire à vos proches. C'est le message d'une campagne lancée à l'occasion de la journée de réflexion autour de ce don difficile mais indispensable. Sachez que selon la loi, nous sommes tous donneurs présumés, sauf si vous avez manifesté le contraire, même oralement auprès de votre famille ou vos amis. On passe au foot avec l'Euro et la défaite surprise de l'Espagne hier soir, 2-1 face à la Croatie. Les Espagnols terminent deuxième de leur groupe et affronteront l'Italie en huitième de finale. Qualification également de la Croatie, de l'Allemagne et de la Pologne. Les Polonais, eux, joueront face à la Suisse. Aujourd'hui, ce sont les derniers matchs de poule. Nous connaîtrons donc ce soir l'adversaire de l'équipe de France. À 18h, on a Islande-Autriche et Hongrie-Portugal et à 21h, Italie-Irlande et Suède-Belgique. Il est 6h03 et c'est Bruno dans la radio. Bon réveil à tous sur Fun. Mercredi, c'est le 22 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03, bonjour. J'espère que ça va bien à la famille. J'espère que vous ouvrez les yeux avec nous en vous disant cela va être une belle journée, car oui, ça va être une belle journée. Aujourd'hui, la météo est magnifique, voilà, je vous le dis, où que vous soyez les amis. On annonce des températures avoisinant les 30 degrés. Que vous ouvriez les yeux en ce moment même en Normandie, dans les Hauts-de-France, à l'Est, dans le Sud-Ouest, dans le Sud, dans le Sud-Est, partout aujourd'hui, le temps sera magnifique. Oh, quel bonheur ! Aujourd'hui, c'est l'été partout en France. Ah, oui, dans le Sud-Ouest, on annonce des températures de 37 degrés à l'ombre, les amis. Mmh. Et le truc magique, c'est quoi ? C'est que ça va être comme ça. Juste aujourd'hui. Non, demain aussi. Ouais, non, demain, ça commence à merder sur la côte atlantique. Mais à partir de lundi, on peut refaire du ski, c'est bon. C'est ça, bien sûr. Dehoro arrive dans quelques secondes sur Fun Radio et Tini Tempa avec Zara Larsson. C'est le son de Bruno dans la radio, car oui, c'est Bruno dans la radio que vous écoutez. Je m'appelle Bruno, ravi de vous accompagner chaque matin avec toute l'équipe de Bruno dans la radio. Il y a Christina. Ah, je suis heureuse ce matin, bonjour. Je crois que c'est la première fois en 2016 que je sors les chaussures ouvertes. Mmh. Voilà, je suis contente. Et oui. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans mon cas ce matin. C'est vrai que les moon boots, ça, forcément, c'était... Ah, il y en avait marre. Hein. Un peu un kiff au mois de juin, ça commençait à être un peu chiant. Vacher, ça va bien ? Ça va bien, bonjour. Comment allez-vous ? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Elliot. Moi, ça va, mais je suis un peu emmerdé parce que je suis le seul qui n'est pas en tenue sommaire. Ouais. Alors, je savais pas. Je me suis dit, il fait froid dans l'avion. Comme une grand-mère, je me suis dit, je vais mettre un tricot. Mais là, vous êtes tous en short, alors... Moi, je suis en pantalon, Elliot. Le problème, vous connaissez le truc, c'est que là, je vais être obligé, je vais céder à la pression, je vais me mettre en short et en polo. Mais ouais. Il est tout au fond de ma valise et tout est rangé, mais genre au cordeau. Genre, il va falloir que je déplie tout et tout. J'en ai pour une heure. Vous connaissez la technique des scouts pour... Ça, c'est pratique pour les gens quand tu pars en vacances, parce que souvent, ça rentre pas, tu vois, genre dans ta valise. Ouais. Et ma meuf, elle m'a montré un truc, c'est que genre, tu roules tout comme du papier journal. C'est-à-dire ouais. Tes jeans, tes t-shirts et tu gagnes vachement de place. Oh. Après, bon, on va voir de quoi j'ai l'air avec mes fringues. Mais tu gagnes énormément de place, quoi. C'est génial. Oui, les amis, car à la fin de l'émission, nous partirons à Ibiza avec des auditeurs de Fun Radio et on sera en direct là-bas demain, vendredi, pour la dernière de la saison, avec du beau monde. Hein. Steve Aoki, David Guetta, Martin Solveig, Die Avner. On va voir quelques DJ sympas qui vont passer nous voir et vous allez vivre ça en direct sur Fun. Mais pour l'instant, partons à Caen où elle nous attend. Elle a 16 ans, elle s'appelle Pauline. Applaudissements pour Pauline. Yeah. Bruno dans la radio. Oh, oui. Pauline, t'as appelé le 3228 pour être l'auditrice du jour. Eh bien, oui. C'est toi. Jusqu'à 9h15, c'est l'émission de Pauline. Et qu'on m'interroge sous la torture, je dirais qu'aujourd'hui, toute l'émission était à Pauline. Jusqu'à 9h15, t'as la ligne directe du studio, tu peux faire de la radio avec nous quand tu veux. Parler de ce que tu veux, 16 ans, t'es en quelle classe, Pauline ? Je suis en seconde. D'accord, allez, c'est l'année où c'est cool. La seconde, oui. C'est l'année la plus cool. Tu sors de la troisième où il y a le brevet des collèges. T'es avant la première, on va te faire chier avec le bac. La seconde, tu peux énerver tout le monde. C'est quand même l'année la plus dure. Hein. Ouais. Franchement, moi, je suis arrivé en troisième, j'avais 14 de moyenne, je faisais le kéké. Je suis arrivé en seconde, 7. Parce que la seconde, c'est là où t'as tous les profs différents. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu découvres d'autres matières aussi que t'avais pas avant. En sixième aussi, t'as tous les profs. Pas moi, pas au collège. Hein. J'avais des profs qui faisaient plusieurs matières. En fait. Ah bon ? Ouais. Ah ouais. Ouais, un mec qui fait mais je suis pas dans un lycée général, moi, je suis dans un lycée pro. Hein. D'accord. Non, mais même, c'est dur aussi. Un prof qui fait mathématiques, musique et prof de sport, il est chelou. Hein, ouais. Ouais, voilà, Christina a tellement redoublé qu'elle a fait 8 fois le CM2 et personne ne lui a dit. Pauline, il paraît que t'as un don particulier. Ouais, je peux m'endormir partout. Ah, t'es narcoleptique ? En plus, c'était non, non, non. Non, en fait, dès que je me sens bien dans un endroit, en fait, je peux m'endormir. Alors moi, tu sais quoi ? Moi, ça n'a rien à voir avec le fait de me sentir bien ou pas, mais comme tous les jours, je me lève à 3h30 pour faire de la radio. Quand les journées sont un peu longues, ouais, je peux m'endormir partout. Ouais, ouais. Oui, on a ce problème. Moi, je me suis endormi, vraie anecdote, au concert de Jamiroquai. Ouais. Voilà, un concert à Bercy, je me suis endormi. S'endormir à un concert, j'ai fait. Je me suis endormi dans des manèges. Oh, mais comment tu fais ? Eh ben, tu es fatigué, tu t'endors, ouais, c'est tout. Vous avez pas le syndrome aussi de pas arriver à voir un film en entier le soir ? Bien sûr, bien sûr. Tu t'endors au milieu et tu te réveilles juste à la fin. Donc tu sais que le gars est mort, mais tu sais pas pourquoi. Mais bien sûr, moi ça m'arrive tout le temps. Moi je peux m'endormir en boîte ou en concert, la gueule dans les enceintes. Si je suis fatigué, je m'endors. Moi, même moi, j'y croyais pas. J'ai réussi à m'endormir pendant un coup franc à PES. Je te jure, mon pote a fait la faute et je me suis endormi. J'ai jamais tiré le coup. Et toi, Pauline, tu t'es déjà endormie où ? Je me suis endormie dans des escaliers, dans ma salle de bain quand je prends une douche très tard le soir, dans le bus. Ça m'est déjà arrivé dans le bus de rater mon arrêt. Ouais. C'est sur une table des fois, c'est quand je suis en fête et qu'il y a pas de lit pour dormir. Ça vraiment partout. Mais dans un lit, t'as dormi aussi déjà, Pauline. Parce que sinon, essaye, tu vas voir, c'est un kiff. Hein. Oui, tu sais que c'est flippant, ça, le truc des transports en commun. Il y a Fonf à la réalisation qui s'est déjà endormi dans le métro. Donc lui, c'était à Paris, mais il y en a aussi à Lyon, etc. Ouais. Ou à Toulouse. Mais quand tu t'endors dans le métro, en fait, faut savoir que s'il te voit pas, en fait, après, il rentre dans le garage, là où personne ne voit. Et Fonf, il s'est réveillé. Ouais. Je me suis réveillé en revenant. Donc j'ai loupé toute la phase garage, mais je me suis réveillé en revenant dans la station. Et là tu fais wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc tu descends pendant que les gens montent, ils te regardent bizarrement, genre t'es bourré. Non, mais t'imagines le flip, te réveiller dans le garage, quoi, là où il y a personne, où il y a des chauves-souris. Ouais, c'est un peu un stress. Ouais, bah il y a Batman hein, qui est dans le garage du métro à Paris. Il y a Batman, c'est bien connu d'ailleurs. Quand tu regardes bien les images du film au tout début, alors il faut faire un arrêt sur image parce que c'est pas évident, mais. Il y a RATP marqué derrière lui. Mais je crois que Batman, à la base, il avait pas la Batmobile. À chaque fois qu'il allait intervenir, il prenait le métro. C'est mais ça. À force de s'endormir, il a dit j'en ai marre, je vais m'acheter une caisse. Pauline ! Oui ? Tu promets que tu t'endors pas pendant l'émission ce matin ? Non. Regarde, enfin, je suis dans le bus du coup. J'ai du son pour pas que tu t'endormes, c'est fait exprès. Je te fais des bisous, ma Pauline ! Aussi ! Bisous. Belle journée. Bisous. Allez, on attaque l'émission avec Deoro Bailar et vous appelez le 3228 pour jouer au tout, tout gagné, tout, tout perdu. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Yeah. 6h13, c'est Fun Radio, c'est mercredi, c'est le 22 juin. Tini Tempa avec Zara Larsson. Zara Larsson, c'est la meuf qui chante sur l'hymne de l'Euro avec David Guetta. Tiens, et puisqu'on parle de l'Euro, parlons foot en nous amusant. On va faire un petit quiz de Christina là dans moins de 10 minutes. Christina, t'as bossé sur les Bleus. Oui, mais alors attention, c'est pas un truc chiant, et même si vous aimez pas le foot, c'est pas grave, c'est intéressant. C'est que des infos que normalement vous n'êtes pas censé connaître sur notre équipe de France, sur les Bleus. Donc joueur par joueur. Exactement. Genre leurs habitudes, leurs manies, les trucs qui kiffent. Des petites anecdotes sur eux. D'accord, très bien. Ben, ça va être dans moins de 10 minutes. Quiz de Christina, 32-28. On a le droit au coup de fil d'un ami, comme chaque jour. Bien sûr. Bon, ben, j'aurai du cadeau pour vous. Pour l'instant, ben, puisqu'on parle de cadeaux, on joue. Fun Radio. Tout perdu. Kevin a Quimper, il a 26 ans, il est chauffeur routier. Si on faisait un peu de bruit pour Kevin. Salut Bruno, salut toute la famille. Salut. Chauffeur routier, mon pote, tu transportes quoi? Moi je suis en Benz, je transporte de la céréale. D'accord, très bien. Kevin déjà au boulot ou tu pars au boulot? Non, ça fait une demi-heure que j'ai commencé. D'accord, très bien. Tu nous appelles sur ton lieu de travail, c'est très bien. C'est bien ça. La France qui travaille. Un camion qui transporte des céréales, est-ce que genre c'est pas votre fantasme de le remplir avec des tonnes de lait, tu vois, et de se plonger dedans et de manger pour le petit déjeuner? Si, si, un peu quand même. Bon, Kevin, le principe du tout ou gagné, tout ou perdu. On arrive, voilà, en direct à l'antenne avec moi. Tu viens de gagner ton écran Samsung 32 pouces. C'est une télé. Tu gagnes ton PC portable Asus. L'enceinte JBL Pulse 2, elle est géniale. Enceinte Bluetooth que tu peux amener sur la plage. Elle est waterproof. Tu peux faire chier les gens à côté à balancer du gros son. Tu t'en fous. Et la compile, le son Dance Floor Summer 2016. Petit clignotant. Ces quatre cadeaux sont à toi, Kevin. D'accord ? D'accord, bah merci bien. Maintenant, il faut tenter de les garder. Et pour les garder, tu dois répondre correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse entraîne la perte d'un cadeau. Nous sommes OK ? OK. C'est parti. Afin de créer un index de pénibilité des piqûres des insectes, un scientifique américain s'est volontairement fait piquer par 150 espèces d'insectes différentes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, c'est des Américains, ils sont capables. J'irais vrai. Ouais. Justin Schmidt, il a créé l'échelle de Schmidt. Ça va de 1 à 4. Le niveau 1, ça représente une douleur légère. C'est l'abeille, par exemple, d'accord. Et 4, c'est la fourmi Paraponera, qui est très très forte. D'accord. On apprend des choses tous les matins. Bah, s'il a des couilles, il fait pareil avec les serpents. C'est ça. Ouais, c'est ça, il le dit, les insectes, c'est moi et Schmitt. Deuxième question, tu gardes tout tes cadeaux. Il existe une journée mondiale de l'orgasme et cette journée se tient le 21 décembre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'en ai jamais entendu parler, je dirais faux. Et non, c'est vrai. Ça existe depuis 2006, ça a été lancé par l'association Global Orgasme, selon laquelle, si nous faisions tous l'amour en même temps, une vague d'ondes positives envahirait le monde. J'ai pas l'impression que cette journée soit très suivie. Hein. Non, mais j'en ai jamais entendu parler. Si jamais il y a une journée où tout le monde fait l'amour en même temps, moi je ferai vigie, je vais surveiller que personne nous attaque. Moi je serai devant l'immeuble. S'il y a une attaque de zombies, tu vois un truc, ouais. Voilà, bah, je serai là, j'aurai l'alarme. Tu vois, il faut un gars qui surveille. Ouais, les ondes positives vont pas venir de toi, quoi. Non, non, c'est ça. Bon, tu as perdu la télé, mais tu joues toujours pour le PC, l'enceinte et la compile. Troisième question. Le corps humain est constitué d'environ 100 000 cellules. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, ouais, j'irais vrai. Mais c'est beaucoup plus, t'imagines, c'est un trillion. Voilà. Un trillion, c'est beaucoup plus que des milliards. Mais bien sûr, c'est juste énorme. Les petits centimètres de peau, il y a déjà plusieurs centaines de milliers de cellules. Merci, Jamie. Tu perds le PC portable, on joue pour l'enceinte et la compile. Dernière question. La terre battue utilisée à Roland-Garros, elle est faite à partir de briques que l'on a pilées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, je dirais vrai, ça. Et c'est une bonne réponse. Bon, et franchement, l'enceinte JBL, elle est vachement belle. Oui, oui. Elle vaut 200 alors, boules. En plus, il m'en fallait une. Eh ben, ça tombe bien. Elle vaut 200 euros. Elle est pour toi. Il a compilé le son Dance Floor. Ça s'appelait. Ah, bah, c'est sympa. Merci bien. Ça part chez toi du côté de Quimper, Kevin. Ah bah c'est gentil, bonne journée à vous la famille. Bonne journée à toi mon pote. Petit quiz des bleus, là, dans moins de 3 minutes, c'est le quiz de Christina qui arrive. Pour l'instant, un son que vous avez découvert chez nous, qu'on aime beaucoup, Tini Tempa, avec Zara Larsson, ça s'appelle Girls Like sur Fun. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rap. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them with a polo. Now I'm with a man them at the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like. I know what boys like, I know what they want. They want that good thing, they wanna get some. I know what boys like, I know what they're on. So go ahead and push it right. That's what girls like. Yeah, rolling on the wrist, that's me, me. Man of the year, I'm fleeky. Had a couple man, won't be me. Them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity doubt. I was getting broke before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the South. Go low, everybody go low. Since she want me, she don't want a cocoa. So I made a single back like she with my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black Nokia, it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like. I know what boys like, I know what they want. They want that good thing, they wanna get some. I know what boys like, I know what they're on. So go ahead and prove me right. Ask the girls. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like. Every day you ride with your friends. But it goes like. I don't need your money for my rent. But it goes like. 8.9, I'm a 10. But it goes like. Call to your Wi-Fi again. Yeah, girls like. I know what boys like. I know what they want. But it goes like. They want that good thing. They wanna get. But it goes like. Le chiffre du jour arrive, c'est à 6h30, c'est comme chaque matin sur Fun Radio. Le chiffre de ce mardi matin, on est mercredi même aujourd'hui. Vous savez quoi, je vais vous le faire pour le mercredi. Le chiffre de ce mercredi matin, on apprend que les hommes qui portent la moustache ont une particularité d'après vous. Laquelle est-ce ? Ils sont gendarmes. Papier de véhicule, s'il vous plaît. Moi, je dirais que c'est un rapport avec l'hygiène. Je suis sûr que quand t'as la moustache, ta particularité, c'est que t'as à manger pour toute la journée. Ah ouais, bravo. Genre tu fais des réserves quoi. Bah, bien quand sûr. Tu manges, ouais. C'est vrai que ça n'existe pas les shampoings pour barbe aussi. Ou pour moustache. Faut demander à Fonf. Fonf, c'est notre réalisateur, c'est le barbu de la bande. Non, j'en ai cherché, je prends le shampoing pour les cheveux moi. Ah, c'est pour ça que t'as pas de fourche sur la barbe. Ouais. Mais du démêlant. Excusez-moi, pardon, je crois qu'on me fait signe, mais. Oh non. Et Christina, sur ta moustache, tu mets quoi du shampoing? Ah, je m'y attendais tellement. Et boum. Bon, si vous avez une idée, tiens, vous m'appelez au 3228. Vous faites vos propositions avec le hashtag Bruno Fun Radio. Les hommes qui portent la moustache ont une particularité. Bah, on en parle, la chiffre du jour, tout à l'heure, 6h30. Are you ready? Yeah. Le quiz de Christina. C'est le quiz de Christina. On parle de foot dans le quiz de Christina ce matin. Tiens, d'ailleurs, en parlant de foot, répondeur des enfants comme chaque mercredi, ce sera tout à l'heure, 7h du matin. On a demandé aux enfants pendant une semaine, c'est qui ton joueur préféré de l'Euro et pourquoi ? Eh bien, ce sera tout à l'heure, vous allez voir, il y a des réponses qui sont assez exceptionnelles. Pour l'instant, quiz de l'Euro, Christina, tu vas nous parler des footeux, de l'équipe de France, mais en nous vendant des trucs qu'on ne connaît pas forcément. Exactement, je vais vous raconter des petites anecdotes et vous allez essayer de deviner quel joueur de l'équipe de France se cache derrière, d'accord ? D'accord. Bonjour Angélique. Coucou Bruno, coucou la famille. Coucou. À Seyens, ça se prononce bien ? Non, on ne prononce pas le S à la fin. À Seyens. Seyens. D'accord, voilà. C'est dans l'Ain. Tu fais quoi dans la vie, Angélique, du haut de tes 25 ans ? Nourrice, nounou, agréé comme on dit. Eh ben ma voilà. Chérie, tu écoutes bien, tu vas nous filer un petit coup de main, tu fileras un casque Bruno dans la radio, d'accord ? Pas de soucis. Allez Christina, on t'écoute. Le premier, c'est le plus diplômé de tous les joueurs de l'équipe de France. De qui je parle à votre avis? C'est mon pote. C'est Jallet. Non, c'est non, pas lui. Non, moi j'imagine bien Griezmann. Mais non, non, c'est pas Griezmann. C'est Lloris. Non. Non. T'as une non. idée, Angélique? Moi j'allais dire Lloris. Non, ah ouais. C'est Olivier Giroud. Ah oui. Il a bac plus 2. Ouais, c'est le seul. Vu. Olivier Giroud, bac plus 2, ouais. Putain, c'est ouf. Ouf, parce que t'as remarqué que cette année, on n'en connaît pas beaucoup en France. Parce que, après Coman, mais j'aurais pas pu te citer les autres. Peut-être Sissoko, mais je sais pas où il joue. Oui, si, quand même. Allez, un autre. Il est tellement fan de David Beckham qu'il joue en manche longue et qu'il porte le numéro 7 exactement comme lui. Je sais la réponse. Ah bah vas-y. Antoine Griezmann. Exactement. Et vous vous étiez pas posé la question de le voir jouer en manche longue alors que tout le monde était en manche courte? Moi, je pensais qu'il avait froid. Non, pas du tout. C'est pour faire comme David Beckham. Il l'a avoué dans une interview. D'accord. Est-ce que sa femme est un peu comme celle de David Beckham aussi? Ah, elle est pas mal, Madame Griezmann. Oui, non, mais j'avais oublié, pardon, que quand t'étais footballeur, t'avais de la thune et que tu sois beau ou pas, de toute façon, en général, tu t'en tires bien. Oui. Sauf si tu t'appelles Franck Ribéry. Allez, autre question. Au début de sa carrière de footballeur, il était en même temps stagiaire dans un magasin de prêt-à-porter à Nantes. Ah bon? Ouais. Bah, de qui je parle? Ça veut dire qu'il a joué à Nantes. Exactement. Payet. Exactement. Il a été formé à Nantes et en même temps, donc, il a fait un BEP vente. Ouais. Et donc, il était au tout début de sa carrière au FC Nantes. Et donc, il fallait qu'il valide son BEP. Ouais. Donc, il a fait un stage dans un magasin prêt à porter. Et est-ce qu'il mélangeait les deux boulots des fois? Genre, pendant un match, il s'arrêtait devant l'adversaire. Il faisait, attends, je vais te chercher le même maillot, mais en M. Ça va moins de boudiner. Angélique, on est d'accord, c'est ouf. On apprend des choses de ouf, vraiment. Ah, mais ouais, c'est sûr. Il y en a, je savais même pas. Autre question. Une autre. Il a investi une partie de son argent dans une usine d'accordéon en Corrèze. Il y en a qui achètent des apparts, des maisons. Lui, il a investi dans une usine d'accordéon. Putain, alors. À votre là, avis, écoute, c'est qui? Tiens, une idée là, dans le fond de la salle, peut-être. Monsieur, comment vous appelez? Monsieur Deschamps, une idée? Morgan Schenderlein. Non, c'est pas lui. Bah, c'est. Non. C'est un truc régional, je sais pas. Jallet, t'as dit Jallet, ça doit être Jallet. Non, Jallet, non, il est d'honneur, je vois pas ce qu'il foutrait. C'est Laurent Koscielny. En fait, il a des attaches effectivement là-bas et c'est une usine qui menaçait de fermer. Donc lui, il a dit, bah allez, je mets de l'argent pour pas que l'usine ferme. Ah, il l'a sauvé, des emplois en même temps. D'accord. C'est bien. Un autre, il a déjà payé l'amende d'un de ses fans qui venait de griller un stop. Angélique, d'après toi? Alors là, bonne question. Il a longtemps joué à Marseille. C'est un indice. Ah bah, Mandanda. André-Pierre Gignac. Mais ouais, Dédé. André-Pierre Gignac, exactement. En fait, il y a un supporter qui voulait faire une photo avec lui. Il a grillé un stop pour ça. Les flics sont arrivés, ils lui ont mis une amende. Donc André-Pierre est arrivé, il lui a dit, allez, c'est bon, je paye. Il a fait la photo. Classe. En mode classe, quoi. J'adore. Franchement, écrit, bravo, j'adore ce quiz. Alors, une autre, on a le temps. Une autre. Il regarde Les Feux de l'amour. Mais attention, il est super fan de la série, c'est pas il regarde comme ça. C'est qu'il essaye de jamais louper un épisode. Moi, je dirais Hugo Lloris. Non, c'est pas lui. Paul Pogba? Non, mais on est dans le même genre de carrure. Matuidi? Non. Sissoko? Exactement. Mais non. Et si, il a avoué. Et pourtant, je crois qu'il joue en Angleterre en plus. Ouais. Mais en tout cas, il regarde Les Feux de l'amour. Voilà. Allez, un dernier. Un dernier, eh bien, sa chérie est une ancienne candidate de Koh-Lanta. Ah ben là, elle était dans la saison 12. De toute façon, là, quasi tous les footballeurs, il y a de l'ancienne de télé-réalité. Ah ben non, je regarde dans les tribunes. C'est pas faux. Bon, alors lui, c'est Koh-Lanta. Ben écoute, je sais pas, tu sais Angélique ou pas? Non, là, je sais pas, je sèche. Eh ben, t'as passé le son tout à l'heure. C'est Morgan Schneiderlin. Non, c'est. Morgan Schneiderlin. Voilà. Angélique, je t'offre le casque Bruno dans la radio, d'accord, ma belle? Merci, Bruno. Eh ben de rien, je te fais des bisous. Moi aussi, bisous, la famille. Bisous. Facebook.com/Bruno dans la radio, retrouvez toutes ces infos, là. Bravo, Christina. Je t'en prie. Bon travail d'investigation. Merci. Calvin Harris, Rihanna sur Fun Radio. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Allez, on va revenir avec le chiffre du jour. Vous écoutez Fun Radio, soyez les bienvenus. C'est mercredi, c'est le 22 juin. 3 minutes d'infos et on arrive juste après. Skoda. Attends, je connais une technique pour réparer ton pneu. D'abord, tu fais fondre un morceau de caoutchouc avec un briquet, tu vois. Non, mais t'inquiète. T'étales bien au niveau de la crevaison, tu laisses sécher. Ouais, ouais, mais... Ensuite, faut gonfler. Pff, tu prends une pompe à vélo. C'est bon, je te dis. Chez Skoda, mes pneus sont assurés 3 ans et 100% remboursés la première année en cas de dommage. Et jusqu'au 13 juillet, le pneu Pirelli 16 pouces est à 65€ seulement. Et je peux prendre rendez-vous sur skoda.fr/RDV. Clic, clic. Ah. Skoda. Passer en mode facile. Offre réservée aux particuliers chez les partenaires participants, conditions sur skoda.fr. C'est parti! Les soldes Chic et Sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Monsieur Lettonnet flâne dans un parc public quand il croise Monsieur Papillon tenant une bouteille en plastique vide à la main. Monsieur Papillon, pourquoi ne jetez-vous pas cette bouteille vide? Demande-t-il perplexe. Cette bouteille en plastique est peut-être vide, mais elle est pleine d'avenir, rétorque superbement Monsieur Papillon. Alors je ne veux pas l'acheter, mais la mettre dans un bac de tri pour qu'elle soit recyclée en nouvelles bouteilles, ou en ours en pluche, ou en oreiller, ou en beaucoup d'autres objets du quotidien. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. Hashtag Bruno Fun Radio, on est là sur Twitter, sur Instagram, vous le savez, vous voulez balancer des messages à l'équipe et surtout vous voulez qu'on les lise. On passe, quand vous regardez l'émission sur funradio.fr, vous dites qu'ils sont constamment devant leur écran, c'est parce qu'on répond à vos messages, nous on les lit. Hashtag Bruno Fun Radio, les amis sur Twitter et Instagram. Fun Radio, le son Fleur. Justine Salmon, je peux vous dire que Justine Salmon, quand on est parti à Limoges, elle était pas chaude bouillasse pour venir nous voir. À Ibiza, sa valise est prête depuis 15 jours. C'est bizarre, il n'y a que des préservatifs dedans. C'est vrai. Et des chaussettes. C'est très important. Et des chaussettes, ouais. Toujours se protéger. Et bien sûr, c'est important. Et un peu de crème solaire, du coup. Mais elle s'en sert comme lubrifiant, il paraît. Justine Salmon pour les news, bonjour. Bonjour à tous et enfin, je vous annonce du soleil. Il va faire beau aujourd'hui sur la plupart du pays. Ce sera juste orageux et pluvieux en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie. Les températures, ça monte de 15 à 20 degrés ce matin. On attend cet après-midi 25 à Nice, 27 degrés à Caen, 29 à Metz et 32 à Bordeaux et même temps attendu pour demain. La taxe soda est de retour. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. L'idée de taxer les boissons sucrées sera présentée aujourd'hui à l'Assemblée. Ce rapport prévoit également de baisser certaines taxes sur les produits alimentaires, sur l'eau minérale par exemple. Cette mesure pourrait coûter 600 millions d'euros à l'État. Pas de grève chez Air France finalement ce week-end. La grève des pilotes n'aura pas lieu. Ils ont réussi à trouver un accord avec la direction. Et puis la manifestation de demain contre la loi travail est encore en suspens. Les syndicats refusent toujours l'idée d'un rassemblement statique. Et le gouvernement réfléchit encore à interdire ou pas un défilé. On passe au foot avec l'Euro. Hier soir, défaite surprise de l'Espagne battue 2-1 par la Croatie. Les Espagnols terminent deuxième de leur groupe et ils affronteront l'Italie en huitième de finale. Ça passe aussi pour la Croatie, pour l'Allemagne et la Pologne. Aujourd'hui, ce sont les quatre derniers matchs de poule. À 18h, on a Islande-Autriche et Hongrie-Portugal. Et puis à 21h, Italie-Irlande et Suède-Belgique. Et puis c'est le dernier jour pour les épreuves du bac ce mercredi. Et demain, ce sont les élèves de 3e qui passeront leur brevet des collèges. Courage à tous pour les dernières heures de révision. Il est à 6h33. Bon réveil à tous et bonne matinée sur Fun. C'est tout de suite le retour de Bruno dans la radio. Bienvenue. Bruno ! Jeudi et vendredi, toute l'équipe de Bruno dans la radio s'envole. Direction Ibiza. Ibiza. Bruno dans la radio en direct d'Ibiza. J-1. Tous les matins, 6h-9h. C'est Bruno dans la radio. 6h33, c'est Fun Radio. On entend des jingles Ibiza. Vous ne mettez pas une tannée en écoutant la radio en vous disant ouais, jeudi, vendredi, je ne vais pas les écouter parce qu'ils vont m'énerver. Ah non. Moi qui travaille dans la banlieue de Besançon, j'ai pas envie d'entendre ces connards en train de s'éclater au soleil. Je peux comprendre, à votre place, je penserai la même chose. Mais sachez qu'en partant, on va penser à vous. Surtout qu'on a prévu plein de trucs. Il y aura du défi. Bien sûr. On emmène la roue des défis, les amis, à Ibiza. Oh non. Version électronique. Version électronique. Oui. Et je peux vous dire que déjà, dans l'équipe, il y en a un qui aura un défi d'office sur lequel je travaille personnellement depuis une semaine. Oh là, qui c'est? Un de l'équipe. Qui va pas y échapper. Un de l'équipe qui va pas y échapper et il le mérite. Et il le sait puisque je lui avais dit. Un de l'équipe qui il y a une semaine, alors que nous étions partis chez un auditeur regarder un match de foot, m'a fait la vanne de couper la télévision toutes les 10 minutes grâce à une appli qu'il avait sur son téléphone portable. Et moi, je me suis énervé en disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec cette télé ?» Et cette personne s'appelle Vaché. Ça va, j'ai rien fait de mal. Je t'avais dit le lendemain, j'avais dit « Écoute, Vaché, tu verras. » Ma vengeance sera terrible. Oui, elle vous, se passera à Ibiza. Vous avez tellement pas de proportion des choses que, genre, moi j'ai coupé une télé, vous allez me jeter d'un immeuble, un truc comment comme tu ça, sais en disant ouais, ben on est quitte maintenant. Comment tu sais que c'est ça? Il a trouvé. Mais de ouf, comment tu savais? Non, non. Qui a cafeté? Non, mais de toute façon, je le sais, c'est soit un truc de vertige, vous allez me foutre dans le, dans, en l'air, soit vous allez me noyer, soit ça va être un truc avec des bestioles. Voilà, me noyer. Alors, mais non, mais sache en tout cas que dans tes trois propositions, il y en a une de bonne. Mais alors, une de bonne, mais de très bonne. Oui, mais si, vous savez quoi? Si je meurs et que ça fait un bad buzz, que tout le monde en parle, genre ouais, un chroniqueur radio, le pauvre, est décédé pour soi-disant rigoler, ce sera bien fait pour vous. Tant pis, tant pis. Écoute, rageur. Ça donnera l'occasion à Jean-Marc Morandini de parler de nous une nouvelle fois. Rien que pour ça, tu sais quoi, si ça peut lui rendre service, moi je suis content. Chainsmoker, ça arrive. Amir, aux alentours de 7h45 avec You're the One. Et juste avant 7h du matin, Cachemire. Ouais, on se met un petit mode Ibiza là, on va envoyer du son un peu lourd. Mais pour l'instant, tout ou gagné, tout ou perdu, c'est fait, on passe au chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Le chiffre de ce mercredi matin, c'est le 22 juin. On parle des garçons avec la moustache. Ça marche avec les filles hein, aussi, je pense. Les garçons qui portent la moustache ont une particularité, d'après vous, laquelle? Sullivan, à 21 ans, il est à Hennebon, on est dans le 56. Salut Sullivan. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Coucou. Il fait beau dans le Morbihan aujourd'hui aussi, hein, Sullivan, je te le dis. Oui. Non, c'est prévu. Alors attention, c'est garanti sur facture, si vraiment il y a un nuage ou quoi au caisse, Météo France rembourse. Sullivan, d'après toi, la particularité des hommes avec une moustache? Ils ont une plus grosse voix. Ah, voix. Ah, ah bon. Une plus grosse voix? Ah oh, ouais, non, pas forcément, je pense. Non. Alors, c'est vrai que souvent, t'as rarement des gens avec une moustache qui parlent comme ça, bonjour. En vrai, t'as deux gens avec des moustaches. T'as les gens, pour moi, un peu genre, qui parlent comme ça et tout, salut et tout, et t'as les hipsters. Mais hipsters, c'est très parisien. Ah, c'est ouais. Ceux qui sont mecs comme je sais pas quoi, maigrichons. Avec des chemises de bûcheron. Ouais, c'est ça, ils les puent bobos, la transpire. Quoi. Les ourlets, les ourlets voilà. Au pantalon, ouais. Et ils présentent le JPI à 7h10. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est... on dit pas hipster, je crois. Hipster, oui. C'est la grosse barbe. Là, c'est plutôt les dandy chic. Ah, dandy chic, quoi. D'accord. Sullivan, c'est pas la réponse que j'attendais. Je t'embrasse, mon pote. Leur particularité, c'est pas de faire des blagues. Je sais pas pourquoi, les moustachus, ils font souvent des blagues. Oui, c'est mais vrai, des c'est blagues connu. Nulles. Regarde Hitler, Staline. Non, mais c'est pas forcément pas les drôle. C'était pas les derniers pour la déconne. Ah, là, je sais pas, je suis pas sûr de ça. C'est bien connu. Tout vrai d'histoire, franchement, c'était alors. Pas les derniers déconneurs. Ouais, c'est ça, les moustachus, c'est blagueur, le titre du livre. Noémie est à Paris. Bonjour Noémie. Bonjour la famille. Bonjour. Noémie, salut. Les moustachus ont une particularité, d'après toi, laquelle? Je dis qu'ils sont plus performants au lit. J'ai la preuve à la maison. Le mien est moustachu et il aspire comme une bête. Ouais, mais alors, pour faire la comparaison, est-ce que t'as essayé? Ah, il assure. Mais vous avez compris pourquoi je dis ça? C'est rapport à sa tube. Mais non, mais on a compris, madame. Ah, je l'aime bien, sa moustache. Celle du haut, celle du bas aussi. La cigare à moustache. Oui, non, mais on a compris. Arrêtez maintenant. Noémie. Ah, la princesse, oh, quoi. Elle est... C'est ça. Noémie, putain, je suis décédée. Tu viens, tu nous as vendu du rêve. Eh, retourne-y, hein. J'y vais, là. Eh, Noémie, tire sur mon doigt. On t'embrasse. Ah, j'adore nos auditrices. Régis est à Lyon. Bonjour, Régis. Salut, Bruno. Salut, tout le monde. Salut, mon pote. 27 ans, tu fais quoi dans la vie à Lyon? Je suis boucher. Boucher, ah bah t'es au boulot de bonheur alors toi, forcément. Exactement. Régis, mon pote, les moustachus, ils font un truc plus que les autres, d'après toi, c'est quoi? Enfin, ils ont une particularité en tout cas. Bah moi j'aurais dit qu'ils reniflent deux fois plus que les mecs sans moustache. Ils reniflent, oui. Ouais, mais c'est des trucs qui s'accrochent. Moi je sais que quand elle est trop longue, alors je renifle pas, mais je fais un truc, je fais ça souvent. Tu te grattes le nez avec la moustache. Ouais, en fait, tu sais, je remonte ma lèvre sous mon nez, alors c'est ridicule, ça me donne l'air de faire le poisson. Ouais. Mais je fais ça, j'aime bien. Mais alors, pour aller dans le même sens que notre ami, moi je dirais que peut-être qu'ils éternuent plus. Ah, ça leur chatouille le nez. Mais ouais. Non, c'est un peu un rapport avec ça. Régis, bonne journée, mon pote, dans la boucherie. Bonne journée, ciao. Ciao, ciao. Est-ce qu'ils se lèchent pas plus les babines, ceux qui ont de la moustache? Les babines. Et Pierre Mulacque, ce sont des labradors. Mais tu m'as compris. On parle, chez les hommes, hein, là. Oui, mais le contour de la bouche, quoi. Non. On dit pas comme ça. Les hommes qui portent la moustache la touchent en moyenne 760 fois par jour. Oh la vache. Ah oui, genre ils touchent les petites pointes là. Souvent je vois les mecs moustachus faire ça. C'est le chiffre du jour. Regarde la fonflue, il se caresse la barbe. Ouais, ouais, mais c'est agréable. T'aimes ça, hein? J'adore. 760, c'était le chiffre du jour. C'est ouf, ouais. C'est énorme. Impressionnant. Non, mais on en apprend tous les jours. Noémie! Oui! Hey ouais. Est-ce que la moustache, on peut l'épiler en ticket de métro? Tu peux essayer, ça peut être la mode. Chainsmokers sur Fun Radio. Tiens, et je suis tombé sur un truc de ouf. Les 10 chansons les plus efficaces pour draguer. C'est un top 10 qui a été fait grâce à au site de rencontre Happn et à l'application Spotify. Je vais vous filer ce top 10 là dans moins d'une demi-heure sur Fun Radio, puis on aura Amandine au téléphone. Bonjour Amandine. Salut tout le monde. Amandine est dans le 49, elle a un moment happy pour nous. Amir pour le son. Vous écoutez Fun Radio, on vous réveille, là c'est mercredi, on revient après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Sound of Legend. Galantis. Mattel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Dans la vie, Claire a beaucoup de mal à contenir sa joie. Surtout quand arrivent les soldes. C'est les soldes chez Auchan, et oui, aujourd'hui chez Auchan, les soldes, c'est jusqu'à 70% de réduction sur des vêtements et chaussures hommes, femmes, enfants, bébés, mais aussi sur de la déco de la maison, de l'électroménager et sur des produits high-tech. Et les soldes, c'est aussi sur Auchan.fr. Auchan. Auchan, la vie que j'aime. Sur les produits signalés, dans la limite des stocks disponibles. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur article signalé en magasin et sur castorama.fr. Date légale selon préfecture. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Les plus grands DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 14, 15 et 16 juillet pour l'Electrobeat 2016 avec Fun Radio. Electrobeat. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeat.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electrobeat 2016, les 14, 15 et 16 juillet à Port-Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electrobeat. Fun Radio. Famille, 6h48, c'est Fun Radio. Dans la demi-heure, il y aura le nouveau Cachemire. Ouais. 7h10, je vais payer de la facture. Et puis 7h du matin, là, dans 10 minutes, répondeur des enfants, parce que c'est mercredi aujourd'hui. J'aime bien le répondeur des enfants. Répondeur des enfants à qui nous avons posé cette question durant toute la semaine. Quel est ton joueur préféré de l'Euro de foot? Et pourquoi? Ça veut dire joueur préféré, pas tant en équipe de France, toutes les équipes confondues. Okay. Et donc, on a posé cette question aux enfants. On leur a demandé de répondre sur le 06 34 62 26 28. On va écouter leur réponse là tout à l'heure à 7h du matin. Vous en voulez un petit ? Oui. En guise d'amuse-bouche. Tiens, bah, y a Roman. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Je m'appelle Roman, j'ai 8 ans. Et mon joueur préféré, c'est Hugo Lloris parce qu'il arrête plein de buts. Bisous. Logique, efficace. Je trouve qu'il est de plus en plus fort, Hugo Lloris. Plus les années passent, plus il est fort. Il n'a pas grand chose à faire. Alors, physiquement, ouais, je le trouve, c'est pas méchant hein, ce que je vais dire, mais par rapport aux autres, je le trouve lisse. Il est gringalet, oui. Ouais. Ouais, il fait tout, il fait tout menu. Il a plus un physique de comptable, tu vois. Le comptable sympa, ça fait 2 ans qu'il est dans la boîte, donc il n'a pas encore les chemises à carreaux. Mais il est comptable, il a les petites lunettes. Et puis... Mais il fait la compta. Oui, ouais. Monsieur Lloris, j'ai pas eu mon bulletin de paye. Oh, vous inquiétez pas, monsieur Vachet, je m'en occupe tout de suite. C'est plus ça. Oui, Elliot. Vous osez pas le dire, mais il a un peu une tête de serial killer, un peu quand même. Ah il bon il pourrait faire fait entrer l'accusé, ah, Hugo Lloris. Non, ouais, pas faux. Pas faux. Que, avec des lunettes, avec des lunettes et le crâne un peu dégarni, il pourrait. Ouais, genre, quand les flics lui tireraient dessus, il pourrait arrêter les balles. Genre, hop, hop. Ce serait génial. Un scénario de film. Bon, répondeur des enfants, ce sera tout à l'heure, 7h du matin. Mais pour l'instant, moment. Happy! Moment Happy avec Amandine qui est à Gesté. On est dans le 49. Bonjour Amandine. Salut tout le monde! Coucou! Et bonjour au Maine-et-Loire qui se réveille avec Fun Radio. Amandine, ma chérie, tu as un petit moment de bonheur à partager avec nous. Le Moment Happy, c'est une création Fun Radio, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Avant que vous l'entendiez ailleurs, je vous le dis. Moment Happy, c'est un moment où un auditeur nous dit qu'il est content, il nous explique pourquoi. Et comme je pars du principe que le bonheur, c'est contagieux, bah, l'espace de quelques minutes, on est tous contents avec lui. Amandine, tu fais quoi dans la vie ? Eh bien écoute, je suis auxiliaire de vie sociale. D'accord, ok. Et ton Moment Happy, qu'est-ce que c'est ? Et ben après 9 mois de galère, de formation à gérer ben voilà, les cours, ma vie de famille, les stages et tout ça, ben, j'ai eu mon examen, donc voilà. Ah, ben, ton examen d'auxiliaire de vie sociale ? Ouais, voilà, ça y est, je suis diplômée, donc voilà. Est-ce que vous l'entendez ce sourire ? Ouais, ah ouais, bravo là. Ma chérie. Parce que là, il y a des gens qui partent travailler et qui se disent « Ouais, bah ok, super, on s'en fout, Moment Happy de merde. » Mais souvenez-vous du jour où vous avez décroché votre premier contrat. Ah bah ouais. Souvenez-vous du jour où vous avez eu votre premier examen et que derrière, vous avez commencé à bosser. Bah ça vous change la vie. Ouais, pour ça, il faut avoir eu un examen. Hein, pour ouais. Le seul que j'ai eu, c'est un examen de la prostate, alors bon... Amandine. Et t'avais souri aussi. Amandine, ça fait plaisir. Tu sais quoi ? Tu commences quand alors du coup à bosser ? Eh ben, je commence fin juillet à bosser. Eh ben, tu sais quoi ? Ça fait plaisir. Je veux t'entendre crier « Je suis heureuse ». Je suis heureuse ! Tiens, ben, et justement, le « Happy » de Pharrell Williams, il fait partie des 10 chansons les plus efficaces pour draguer. D'accord. Je suis tombé sur le top 10 là. C'est le site Happn, c'est un site de rencontre. Et Spotify, ils se sont alliés pour faire la playlist des 10 titres les plus utilisés pour draguer. D'ailleurs, vous savez quoi ? Si vous avez une technique de drague particulière sur un morceau particulier, et bah donnez-nous ce morceau avec le hashtag BrunoFunRadio. Vous le faites sur Twitter ou alors 3228. Vous le savez, vous pouvez appeler quand vous le voulez. 3228, il y a le standard qui vous attend. Amir, j'ai cherché, c'est tout de suite sur Fun Radio. Et le journal pas en image, le faux journal de l'émission. Ça arrive, première édition, là, dans 3 minutes. Et c'est sur Fun. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh you, you, you, you, you. You're the one that's making. 6h55, bienvenue, c'est Fun Radio. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission. Tout de suite, là maintenant, c'est la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, soldes aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes. Et on vous rappelle qu'une chemise désigual à moins 80%, ce n'est pas une bonne affaire, ça reste moche. Cinéma, Dory, le petit poisson qui perd la mémoire, a désormais son film d'animation, Le Monde de Dory. Avec un personnage qui perd la mémoire, le film aurait aussi pu s'appeler Le Monde de Jacques Chirac. Aujourd'hui, au bac, pour la série littéraire, c'est l'épreuve de latin. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, j'ai moi-même fait latin au bac. Ah, vous vous souvenez de quelques mots ? Bien sûr, je me souviens d'un mot. Lequel ? Cunilingus. Vous avez la mémoire sélective, Anthony. Et pour finir, Scoop, il joue à l'Olympique de Marseille et a souvent la gastro. Découvrez la Sana Diarrhée. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Un petit peu de classe, un petit peu de finesse, de l'humour britannique, hein, j'ai envie de dire. Oui, une petite trace. C'est tout vous. Dans 4 minutes, 7h du matin, vous arrivez sur Fun Radio. On est là pour vous ambiancer votre mercredi. Là, c'est 22 juin aujourd'hui, c'est Cachemire avec Wildcard. Wanna take a spin, wanna take a roll, you know you're dealing with the wild card. Cachemire sur Fun Radio. J'attends avec impatience un groupe qui s'appelle Lycra, par exemple, pour faire un peu machine à laver, quoi, tu vois. Ou synthétique. Ok, vous n'avez pas compris la vanne. Non. J'ai bien compris. Avant 7h du matin, tout ce qui est vanne textile, ça marche pas, j'ai l'impression. Et après. Disons que le mot Lycra, on l'emploie pas beaucoup en même temps. Et après 7h du matin, ça marche vraiment les vannes textiles? Je sais pas, mais comme on approche les soldes d'été, voilà, tu vois, moi, je voulais être raccord. Remboursé. Imani. Don't be so shy, ça arrive sur Fun Radio et à 7h10 en direct, je paye de la facture. À tout de suite. Préco Dépôt vous présente les deux mots du jour. carrément solde. Produit soldé ? Nettoyeur performant. Grosse pression ? 150 bars. Super affaire ? 99 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. À partir du 22 juin dès 7h, profitez des soldes Brico Dépôt avec des remises exceptionnelles. Le nettoyeur haute pression 150 bars 2200 watts moteur induction est à seulement 99 euros au lieu de 139 euros. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Liste des dépôts participants sur bricodépôt.fr. Bonjour, je m'appelle Georges. J'ai un pouvoir extraordinaire. Il me permet de parcourir le monde et de communiquer avec qui je veux. Je n'ai aucune limite. Bonjour, je m'appelle Georges et mon pouvoir, c'est de savoir parler anglais. Avec Acadomia, votre enfant apprend l'anglais différemment. Une démarche pédagogique unique fondée sur l'expression orale et un entraînement efficace lui offre la possibilité de maîtriser un anglais certifié. Réel passeport pour le monde de demain. Renseignez-vous dès maintenant pour la rentrée sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Carrefour. Val, je reviens chez Carrefour, il y a des soldes folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Alors que la fatigue se fait sentir sous son pneu avant gauche, nous retrouvons Romain qui passe à l'offensive. Il se connecte sur 1001pneus.fr, sélectionne ses pneus parmi les plus grandes marques. Oh, quelle vitesse pour choisir la livraison gratuite dans l'un des 6000 centres de montage. Oh, mais quelle action! Quelle technique! Il finalise sa commande. Clique. Et c'est commandé 1001 pneus. Rapide et pas cher, 1001pneus.fr. En ce moment sur 1001pneus.fr, économisez avant les vacances grâce aux pneus Nexen, plusieurs fois primés au test européen et à partir de 35 euros seulement. Pam palam, pam palam. Tu as vu? J'ai perdu 90 euros depuis le début de l'été. Pas mal. Moi j'en ai perdu 150. Faut dire que ça te va bien, mon petit four. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix. Par exemple, le four encastrable inox Sauter SFP 1501X classe A est à 499 euros au lieu de 649, soit 150 euros d'économie. Profitez de l'été avec Darty. Date des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles. C'est 7h10, 8h10 en direct sur Fun Radio. Je vais payer vos factures, les amis. Vous avez la facture à vous faire rembourser, bah vous me l'envoyez maintenant. C'est simple, facture@funradio.fr. Je vous appelle là dans 10 minutes en direct sur Fun. Fun Radio, Fun Radio. Le son Dance Floor. Les infos avec Justine Salmon. Salut Juju. Salut Bruno. Bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo. Ça y est, enfin, c'est l'été pour presque tout le monde. Un grand soleil sur la plupart du pays. Ce sera en revanche couvert, orageux avec un peu de pluie en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie. Les températures sont estivales de 15 à 20 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 23 à Quimper. Il fera 25 à Lens, 29 à Strasbourg et 31 degrés à Orléans. Même temps attendu pour demain. Dans 1 heure, à 8 heures, c'est le coup d'envoi des soldes d'été dans les magasins mais aussi sur internet. La météo de ces dernières semaines n'a pas vraiment incité les consommateurs à dépenser. Séance de rattrapage donc à partir d'aujourd'hui. Vous avez 6 semaines jusqu'au 2 août pour en profiter. Nous sommes à la veille de la manifestation contre la loi travail. Le gouvernement réfléchit encore à interdire ou pas ce rassemblement. Les syndicats ne lâchent pas l'affaire malgré les risques de débordement. Ils veulent un défilé et non un rassemblement statique. Et toujours dans le contexte social, une bonne nouvelle si vous devez prendre l'avion ce week-end. Les pilotes d'Air France ne feront finalement pas grève. C'est ce mercredi la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. En France, plus de 57 000 personnes vivent grâce à une greffe, mais plus de 21 000 malades attendent toujours d'être bénéficiaires. Sachez que selon la loi, nous sommes tous donneurs présumés, sauf si vous avez manifesté le contraire, mais moralement auprès de vos proches. On passe au foot avec l'Euro et la défaite surprise de l'Espagne hier soir 2-1 face à la Croatie. Les Espagnols terminent deuxième de leur groupe et affronteront l'Italie en huitième de finale. Qualification également de la Croatie, de l'Allemagne et de la Pologne. Les Polonais joueront eux face à la Suisse. Aujourd'hui, ce sont les derniers matchs de poule. Nous connaîtrons donc ce soir l'adversaire de l'équipe de France. À 18h donc, Islande, Autriche et Hongrie, Portugal. Et puis à 21h, Italie, Irlande et Suède, Belgique. Il est 7h04. Bon réveil et bonne matinée. C'est Bruno dans la radio. Bienvenue sur Fun. Jeudi et vendredi, toute l'équipe de Bruno dans la radio s'envole. Direction Ibiza. Ibiza. Bruno dans la radio en direct d'Ibiza. J-1. Radio. Mercredi, nous sommes le 22 juin. Vous avez choisi de vous réveiller avec Fun Radio. Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France. Il est 7h05. Bonjour. Fun Radio, le son d'Imani, Don't Be So Shy, dans 10 minutes. Mais également David Guetta avec Zara Larsson. David Guetta, il sera avec nous et il va passer nous voir là pendant l'émission. À partir de demain, tout Fun Radio sera délocalisé à Ibiza. Voilà, avec nos potos de l'Ushuaïa Club. On va vous faire vivre. Voilà la fin de saison de Fun Radio. Pour vous remercier, il y a des auditeurs de Fun Radio qui vont nous rejoindre tout à l'heure à l'aéroport. On avait fait gagner des places pour plusieurs auditeurs qui vont partir avec nous. On vous fera vivre ça dès demain matin, streaming live. Ouais, une petite vidéo du soleil qui se lève sur Ibiza. Je peux vous dire que c'est un kiff. Parmi les invités, David Guetta, je vous l'ai dit, on aura également Martin Solveig qui va venir nous rendre une petite visite. Dit Avner également, vont passer, ils vont mixer dans l'émission. Oh, ça y est, je peux serrer moi un morito, j'en ai rien à foutre. Putain, mais ça va être tellement bon là. Je suis désolé de dire ça parce que tout le monde part pas avec nous quoi, donc c'est horrible pour les gens qui se disent moi je pars pas. Mais ce son là sur un toit. Bien sûr, avec le soleil, regarde le soleil, soleil, morito. Bon, et on aura également un mix à Steve Aoki. Qui va passer dans l'émission. Armin van Buuren, normalement aussi, on attend la confirmation, mais il devrait passer une tête dans l'émission. Il y aura Feder aussi qui va Feder être avec nous. Feder qui devrait passer. Charles Aznavour aussi, il va exactement passer une tête. Émission en direct d'Ibiza, voilà, à partir de demain sur Fun Radio. Et toute l'équipe part. Parce que oui, quand moi je pars, il faut savoir, j'amène toute l'équipe. Heureusement. Donc jusqu'au standardiste, tout le monde s'en va. Il n'y a pas de saut métier dans l'équipe Bruno dans la radio. Et alors là, on me fait plus fort, c'est que toute l'équipe de Fun Radio va partir. Oh, c'est fort. Et Christina, elle a déjà préparé sa valise depuis 8 ans. Bonjour, ma grosse valise. J'ai peur de devoir payer un supplément de bagages d'ailleurs. Vachier, il a amené un baluchon, lui. Non, mais j'ai amené des fois des trucs en un seul exemplaire en me disant, comme ça je gagne de la place et je le laverai dans la douche avec moi. Genre des chaussettes, j'ai qu'une paire. Quoi ? Bah oui, mais normalement on est en tongs. Mais si jamais je dois utiliser plusieurs paires de chaussettes parce que c'est le soir et qu'il fait froid, j'ai prévu une paire que je laverai dans la douche avec moi. Ceci dit, moi j'en ai pas pris du tout des chaussettes. Ouais, moi non plus. Ah ça bon sert à rien. Mais si, avec les tongs, c'est classe. Elliot. Moi j'ai une autre problématique, c'est quel cocktail je vais boire cette année. Parce que Morito, ça y est, j'en ai marre. Sex on the Beach, c'est trop féminin. Mais mec, je t'ai vu boire du Jet 27 mélangé avec du champagne des fois tellement t'étais. Ouais, ça, c'est arraché. Quand je suis pas assez bourré, je dois rattraper les autres. Donc bon, peut-être gin tonic, mais c'est surfait. Et puis bon, commencer par le gin. Les gars, ils se tuent à faire des campagnes toute l'année pour dire attention, l'abus d'alcool, machin. Mais bien sûr. Et t'as un gars qui arrive à la radio. Non, mais moi, c'est pour rattraper les autres. Du coup, je mets un petit peu de vodka, de whisky. Je mets du champagne, je mélange dans un mixeur. Et puis bam, comme ça monte plus vite. Je fais de la pub tout l'été pour la sécurité. Sécurité routière, et c'est vrai, attention, si vous prenez le volant, vous buvez pas et tout, et t'as un connard qui dit, moi je mélange du champagne et du jet pour rattraper les autres quand je suis pas assez bourré. Mais bizarrement, il m'avait appelé pour en faire il y a 2 ans avec vous, une pub pour la sécurité routière avec Sam et tout, et là, j'ai plus de nouvelles. Bah oui, tu m'étonnes. Non, non, il paraît que la dernière fois où t'as vu Sam pour faire une pub, il t'a embrassé, et après, il a vomi. Éthylotest maximum. Le pauvre. 7h08, c'est Fun Radio. Allez, répondeur des enfants. Répondeur des enfants. Allô sur Fun Radio. Quel est ton joueur préféré de l'Euro, la 2016 de foot et pourquoi ? C'est la question qu'on a posée aux enfants, 06 34 62 26 28. Faut avoir 10 ans maxi hein, pour participer. Donc tout à l'heure, Romain nous disait que son joueur préféré c'était Lloris parce qu'il a arrêté beaucoup de buts. C'est pas le choix de Tristan. Bonjour, je m'appelle Tristan et mon personnage préféré est Ivanovic parce qu'il est fort. Bisous, la famille. J'ai l'impression qu'il dit Ibrahimovic comme le président de la République, François Hollande. Ouais. Ibrahimovic. Oui, en même temps, c'est vrai qu'il est long, son nom. Hein. C'est vrai. Son nez aussi. Bah, c'est en rapport avec le nez. Yanis. Bonjour Bruno, je m'appelle Yanis, j'ai 11 ans. Mon joueur préféré de l'équipe de l'Euro, c'est Dimitri Payet, parce qu'il tire bien les coups francs, il a une bonne technique. Mais j'aurais quand même préféré voir Ben Arfa. à sa place. Oh, il nous fait carrément une analyse sportive. Ouais. C'est ça. Avec Ben Arfa au même poste aurait été plus performant peut-être vu l'expérience. Et tu sais que l'euro comme ça, ça dévoile des genre des envies chez les enfants de devenir soit footballeur, commentateur, tu vois, bien ça sûr. Fait, monsieur Ben Arfa, vous avez vu, alors pour ceux qui s'intéressent un peu au foot, il a choisi un club, mais en fait il va pas aller à Paris parce que Paris lui a rien proposé. C'est le seul gars qui s'est enflammé sur un dos. Et en fait les gens à aucun moment avaient envie de l'appeler. Je trouve que c'est extraordinaire. Evan. Salut la famille, moi c'est Evan. Mon joueur préféré c'est Cristiano Ronaldo parce que la première fois que je l'ai vu c'est quand il a marqué un but et que j'ai vu toutes ses tablettes. Ses tablettes, ouais, c'est vrai qu'il est gaulé. Hein. Ouais, enfin là niveau foot par contre il passe un peu à côté quand même. Mais j'ai l'impression qu'à chaque compétition, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, il fait rien. Portugal, ils jouent aujourd'hui, ils jouent leur qualification pour la suite de la compétition. On est face d'accord, à quelle équipe? Ah, la Hongrie, je crois. Ouais, je crois. Excusez-nous, on n'a pas tout suivi, on suit que l'équipe de France. Allez, on finit avec Julien. Salut Bruno, salut la famille, c'est Julien. Moi, mon joueur préféré, Antoine Griezmann, parce qu'il est petit et qu'il arrive quand même à marquer des buts. Salut. Tiens, et rapidement, allez, tour de table de l'équipe Bruno dans la radio, vous parlez en votre âme et conscience, votre joueur de foot préféré. De l'équipe de France, Christina. Griezmann, trop beau. Ok, Vaché. Je dirais Matuidi, il a l'air hyper sympa. Elliot. Il m'a pris Matuidi. Bon allez, footix dans l'âme. Dimitri Payet, c'est son euro. Et puis les Marseillais, donc non, je rigole. Non mais tu vois comme quoi Bruno, on peut aimer un Marseillais. Bon, heureusement qu'il y joue plus quoi. Sinon, pourquoi j'aurais heureusement pas qu'il joue plus. Oh, sinon, j'aurais dit un autre joueur. Il n'aurait pas marqué son coup franc. Hein, ouais. Et toi, Bruno? Payet, parce qu'il a joué à Marseille, bien sûr. Imani, c'est sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes. Blow up the father. Don't ask me why. You're right. Hold my step. I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. Smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. On va faire de la radio ensemble au 32-28. Vous avez l'habitude, c'est simple, vous arrivez au standard, il y a Amélie, il y a Mathilde, il y a Louzman là qui est là. Ça va Louzman? Oui. Et pour Ibiza, Louzman? Ouais. Louzman au standard demain avec le maillot de Borat. Ouais, et une moustache. Et une moustache. J'ai investi. Bien sûr. vous appelez le 32-28, pourquoi faire? Bah déjà parce que vous aimez bien appeler le 32-28 et que nous on est content de vous avoir. Je vous explique comment ça se passe. Quand vous appelez le 32-28, on note votre numéro, on vous rappelle, donc vous payez pas la communication, bien sûr. Je voudrais que vous me disiez quelle est votre chanson, celle que vous utilisez en tout cas pour draguer, celle qui vous paraît le plus efficace, d'accord? C'est-à-dire que si on devait mettre le film de votre rencontre sur grand écran, quelle musique vous choisiriez derrière? Tu vois, le moment de la drague, etc. Il y a un top 10 qui vient de sortir, il a été fait par Happn, c'est un site de rencontre, d'accord, une application, et Spotify. Ils se sont associés depuis quelques mois, d'accord, et il est désormais possible de partager ses tubes préférés avec un inconnu croisé dans le métro ou de découvrir les goûts musicaux des autres. Et donc, du coup, vous allez voir, le mélange est très très très bizarre. Ça a été fait que pour la France, hein. Du coup, vous allez comprendre. En 10, donc il y a des vieux, des jeunes, je pense, en 10, il y a ça. D'accord. Ah ouais. Je vous jure, je vous le livre tel quel, le truc est sorti ce matin. En 9, Sam Smith. Oh, won't you stay. Ah ouais. Tu peux faire tes yeux de lover là-dessus. Ah ouais, c'est bien ça. C'est ringard, je trouve ça. Bon. Oh non. Si t'arrives avec un whisky, genre un scotch. En 8, scotch. Jennifer Page. Ah, Crush. Ouais, c'est vieux ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a un mélange des âges qui est assez drôle. Il y a Stevie Wonder, Happy Birthday pour draguer. Bon anniversaire, Corentin. Papy te souhaite un bon anniversaire pour tes 8 ans. Maintenant, je voudrais te dire que je te trouve très mignon. Tu sais. Viens sur mes genoux. Viens. Mariah Carey, Heartbreaker en 6. Mmh. En 5, bon, un classique. Whitney Houston. Ah ouais, bah bien sûr. Ah ouais. En 4. Screaming Jay Hawkins. Mais moi j'ai peur si on diffuse cette chanson. Mais déjà pour la connaître faut être fort, parce que je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait. Numéro 3, c'est le délire cigare club de jazz. Numéro 2, Gilbert Montagnier. Quand je vous dis c'est n'importe quoi. Non mais si ça c'est top, c'est ringard parce que tu connais toutes les paroles et tu fais genre, tu fais, ouais, c'est ça. Yeah, et tu lui fais des regards comme ça, tu danses voilà. Avec elle. Non mec, bah, tu sors avec une personne de plus de 52 ans. C'est ça, c'est ça. Ça. Ma tati Colette, tu peux la pécho avec ça. On va s'aimer. Et enfin, vas-y. Numéro 1 de ce classement fait par Spotify et le site de rencontre Happn, c'est ça. Ah ouais. Ouais, pour draguer il y a 4 ans quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et vous savez quoi, je vous donne 3 minutes. Elliot, ouais. Vaché, Christina, pour me dire le morceau qui pour vous est idéal à la drague, d'accord, okay. Et vous, auditeurs de Fun Radio, avec le hashtag Bruno Fun Radio. D'ailleurs, on est numéro 1 top tweet France depuis 6h15 ce matin. Je sais, je me répète tous les jours, mais on n'est jamais blasé d'être en top tweet. Merci d'être si présent sur les réseaux sociaux. Hashtag Bruno Fun Radio, vous nous dites quelle est votre chanson que vous utilisez pour la drague. Ou alors 3228. Et on peut se faire une compile. Hein. On ressort les morceaux, on écoute. D'accord, pour l'instant, je paye de la facture. Money. Bruno, allô ? Paye vos factures. Bruno. 7h17, donc c'est pas qu'on est à la bourse, c'est au-delà. Mais on s'en fout, cette émission est en direct et c'est tout le temps pas pareil. Pour se faire payer de la facture, comment on fait? Alors vous les envoyez, mais alors on va juste fonctionner par mail, parce que même à Ibiza, on va en payer, mais au moins on les recevra même à Ibiza. Vous les envoyez à facture@funradio.fr ou bien le site fonctionne aussi, brunopayevosfactures.fr. On vous appelle en direct le matin, votre facture est payée, c'est cadeau, c'est pour moi. On part à Valenciennes. Département 59, est-ce que la malédiction de la facture de 7h15 va s'arrêter? Oui, allô? Oui, elle s'arrête. Michael? Oui, Bruno? Eh ben voilà, c'est fait. Voilà. Bravo! Michael, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie à Valenciennes? T'as quel âge? Alors, j'ai 24 ans et je suis chauffeur taxi. Chauffeur taxi. Tu m'as envoyé une facture de 962,93 €. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un PC gamer avec sa souris gamer. Ah, tu joues sur, tu joues en ligne? Oui. Tu joues sur quel jeu? Oh, je joue sur beaucoup de jeux, Battlefield, un peu de GTA de temps en temps. D'accord, ok. Et tu joues sur PC. T'es de l'école PC, toi. Alors, sachant qu'un taxi, il bosse toute la journée comme un ouf, que le soir, t'es sur ton PC gamer, il est où le temps pour avoir des rapports intimes avec une demoiselle? J'ai le temps pour ça aussi. D'accord, très bien. Le gars ne dort jamais. Ouais, Michael, je te paye ton PC gamer et sa souris. 962,93 €. Je t'envoie le chèque très vite. D'accord, mon pote? Merci bien. Eh ben de rien, je t'embrasse. Oh la voix, je suis sûr qu'il arrive à s'exciter avec Minecraft. Il est là, il fait bon, elle est jolie. Sur les Sims, quand la fille fait moi, je voulais l'aller. Qu'est-ce que t'as dit, salope? Quel est votre titre idéal pour draguer? Vous nous le dites au 3228. D'ici là, il y a David Guetta qui arrive avec Zara Larsson. This one's for you. C'est sur Fun Radio. On est mercredi. C'est le 22 juin. Bon réveil. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas and like Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Dès que vous entendez Dimitri Vegas and Like Mike, mixé avec David Guetta, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Tomorrowland, how are you feeling? La radio des DJs et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Plus que quelques secondes avant la mi-temps, ah là là, quelle pression! Il faut absolument garder l'avantage! Mais siffle! Allez, regarde ton chrono! Ouais ouais ! Coup d'envoi dans votre micro-ondes avec les burgers Charal, vous allez aimer la mi-temps. À découvrir au rayon frais et surgelé. Charal ! Pour votre santé, évitez de grignoter. Fun Radio. Dans la vie, Claire a beaucoup de mal à contenir sa joie, surtout quand arrivent les soldes. C'est les soldes chez Auchan, gourou ! Et oui, aujourd'hui chez Auchan, les soldes, c'est jusqu'à 70% de réduction sur des vêtements et chaussures hommes, femmes, enfants, bébés, mais aussi sur de la déco de la maison, de l'électroménager et sur des produits high-tech. Et les soldes, c'est aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime, sur les produits signalés dans la limite des stocks disponibles. Non, Iron Man et Captain America restent à la maison. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà tous les My Little Pony dans le coffre. Pour deux jouets My Little Pony ou deux figurines 30 cm Avengers achetées, le troisième est offert. Offre valable du 22 juin au 10 juillet sur la gamme My Little Pony et sur les figurines 30 cm Avengers de chez Hasbro. Toys R Us garantit le meilleur prix et rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur Internet. Voir modalité en magasin ou sur toysrus.fr. Vous attendez d'avoir un problème de clim pour vous en occuper ? Eh bien, Agathe, non. Bah non, moi j'ai pris les devants, voilà. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Agathe est chez Noroto. Et éviter le coup de chaud, c'est facile avec Noroto. Le forfait entretien clim est à 49 euros. Et pour seulement 49 euros, vous êtes sûr de rouler au frais. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Une glacière de 29 litres, rechargeable sur l'allume-cigare de la voiture à moins de 30 euros chez Leclerc. Sur la route des vacances, ça devrait être obligatoire. Du 15 au 25 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la glacière électrique de 29 litres à 29,90 euros. Inutile de résister, une glacière comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Jusqu'à 9h. Sur Fun Radio. Quel est votre titre pour la drague? Celui que vous préférez. Vous venez nous le dire, là tout de suite. 3228 ou le hashtag Bruno Fun Radio. On est en direct dans 3 minutes après Zara et David. T'as sur Fun Radio, le son dance floor. Ah, et s'il n'y a pas bonjour, c'est David Gay avant. Forcément, ça ne sert à rien. Merci Fonf, excuse-moi de t'avoir réveillé, mon poteau. We were born to fly and let the moment. This one's for you. David Guetta, Zara Larsson, tout de suite sur Fun Radio. Chanson du jour, dans quelques secondes, on a Enzo là, qui va appeler son père. Son père, il s'est remis avec quelqu'un, une famille recomposée, voilà. Et alors, il veut péter un plomb, Enzo, il en peut plus de sa belle-mère. Ouais. Le message qu'il veut faire passer à son père, c'est j'en peux plus de la dictature de belle-maman. Exactement, wow. Les grands mots sont sortis, les grands mots. Il va nous expliquer ça, on l'aura tout à l'heure en direct, là, dans 5 minutes. Mais pour l'instant... Bruno dans la radio. C'est vous, au 32-28. Les titres idéaux, ou même idéaux, puisqu'ils sont plusieurs, pour drailler. On l'a donné le classement là du site à Happn avec Spotify tout à l'heure, avec en 1 Carly Rae Jepsen. L'équipe, j'ai pas demandé à l'équipe. Christina, c'est quoi toi ton titre idéal? Ah, moi, ce serait Robbie Williams. Ah, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Ah, là, mais je peux tomber, mais comme une crêpe. Voilà. Comment tu dragues là-dessus? I got too much love. Tu te fais plaquer contre un mur. Running through my veins. Ah ouais. Bah dis donc. Chagasse. Oui, ça fait pour ça, ce titre. Le truc, c'est hyper romantique et casse-toi. Tu te fais plaquer contre un mur. Il te crache au visage. Il te fait, c'est maintenant et tout de suite, t'enlèves ton slip. Et là, le mec, il me conquis. Calme-toi. Vacher, c'est quoi, toi, ta chanson? Bon, ouais, c'est pas hyper, hyper classe, mais je trouve que ça marche bien. C'est Cotton Eye Joe. Quoi? Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. Cut Night Joe! Mais ça! Pour draguer après. Et mec, en soirée, t'as déjà fait des soirées genre en boîte un mec, peu sympa? Si je fais une soirée en boîte où il passe ça, je pars. Mais non, mais ça, en fin de soirée, c'est génial parce que c'est le moment où en fait t'attrapes quelqu'un par la main et tu fais un espèce de pont en levant les mains et tous les gens courent au milieu. Ouais. Et tu fais genre t'es tout seul, donc tu vas chercher une partenaire au hasard, tu vois. Et tu commences à danser avec elle et tu rigoles. D'accord. Tu vois, et t'es là. Et puis après, à force de rigoler, tu dis bon, on a un série, maintenant on va dans la voiture. Bien sûr. Pas con. Mais Quentin, non. Il est à Kirchberg. Bonjour Quentin. Salut la famille, salut Bruno. Salut. Le titre idéal pour draguer, c'est quoi toi? Ah, Still Loving You de Scorpion. Et t'as quel âge Quentin? 24 ans. Mais t'es pas né quand le titre est sorti? C'est sorti au début des années 80? Du tout, ouais, mais je sais pas, c'est un groupe que j'adore. D'accord, bah écoute, je comprends. Hein. C'est connu, c'est un classique. Hein. Ah bah c'est un grand classique, ouais. Non, c'est clair. C'est là où il dit ce soir j'ai les pieds qui puent, non? Ouais. Là, maintenant, vas-y. J'ai les pieds qui puent. Attention. J'ai les pieds qui puent. Quentin, je t'embrasse, mon pote. Bonjour Axel à Lorient. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Salut. T'as quel âge Axel? J'ai 14 ans. Ah, et tu dragues à 14 ans? Non, pas encore. Ah, on espère. Mais bien. Si jamais t'as un titre pour draguer, tu prends lequel? Nakassi, doucement. Ça, c'est une bonne chanson de Lover aussi. Bah, c'est une chanson de Lover. Doucement, c'est que justement, il parle de l'acte sexuel. Ah, oui. Bah, ouais. Elle a 14 ans, donc ça nous enlève pas mal de vannes. Ouais. Mais Et puis tu verras, de toute façon, Axel, même doucement, à 14 ans, ça va aller très vite. Hein. Ouais. Je t'embrasse, mon pote. Tiens, Elliot, rapidement. À moi, bon, c'est un peu rétro. C'est dans les soirées rétro, c'est Johnny Hallyday. Let's Twist Again. Mais, mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, parce que tout simplement, Bruno, j'ai un twist du tonnerre. Alors, non, mais vraiment. Et donc, les gars, du coup, on est sur la première radio Dance Floor de France. On est une radio qui cartonne près des plus jeunes. Notre team sort Johnny Hallyday, Let's Twist Again. Bruno, là, va y avoir la pub. Je demande un Facebook Live avec le twist d'Eliott maintenant. Et du coup, tu peux danser le twist même sur des trucs genre David Guetta. Alors, les amis, venez sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. Démonstration de twist d'Eliott dans moins de 10 minutes. Et puis, vous savez quoi? Il y a d'autres auditeurs là qui attendaient Loosman, mon pote, on va les reprendre à l'antenne là d'ici un quart d'heure, d'accord? Pas de soucis. Voilà, et on va écouter des titres et je vous passerai le mien, mon titre idéal de drague, d'accord? Ok. Allez. Oh, j'adore ce moment. Très excité, c'est Fun Radio, allez, à tout de suite. En ce moment, ce sont les soldes Conforama avec des remises jusqu'à moins 70%. Par exemple, le réfrigérateur Saba 265 litres est à 269,99€ au lieu de 529,99€. Soit 50% de remise. Alors, ne me dites pas que ça ne vous fait ni chaud ni froid. Hein. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur conforama.fr. Bonjour, je m'appelle Georges. J'ai un pouvoir extraordinaire. Il me permet de parcourir le monde et de communiquer avec qui je veux. Je n'ai aucune limite. Bonjour. Je m'appelle Georges et mon pouvoir, c'est de savoir parler anglais. Avec Acadomia, votre enfant apprend l'anglais différemment. Une démarche pédagogique unique fondée sur l'expression orale et un entraînement efficace lui offre la possibilité de maîtriser un anglais certifié. Réel passeport pour le monde de demain. Renseignez-vous dès maintenant pour la rentrée sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Géant. Géant solde les soldes et frappe fort avec des remises supplémentaires sur des produits déjà soldés. Par exemple, jusqu'à samedi seulement, sur le téléviseur LG LED 139 cm, vendu 899 euros, une remise supplémentaire de 30%, soit le téléviseur à seulement 499 euros. Solde du 22 juin au 12 août, hors Corse et Alpes-Maritimes. Les prix bas, c'est Géant. C'était le meilleur week-end de ma vie. On était parti faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au Poney Club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes, superbes. Des licornes, t'es sûr de toi? Ah oui, ils s'envolent dans le ciel et traversent les plages. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 euros toute l'année. Offre soumise à condition, plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Monsieur pas compris, apostrophe Monsieur Papillon. À quoi ça sert de trier les petites bouteilles en plastique? Elles sont si petites, s'interroge-t-il. Monsieur Papillon rétorque. Comprenez donc, Monsieur pas compris, qu'il faut trier toutes les bouteilles, les petites et les grandes, car elles sont toutes pleines d'avenir, nom de nom. Bien triées, elles seront recyclées et serviront à fabriquer de nouvelles bouteilles, des oreillers, des couettes et même des ours en peluche. Compris, Monsieur pas compris? Compris. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. Avec Pierre qui court de rayon en rayon. Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe, il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. Oh, belle performance! Decathlon, à fond la forme. Soldes selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. On vient de faire le Facebook Live là pendant la pub d'Eliott en train de danser le twist. Je veux mourir. Voilà, je vous l'annonce. Allez voir l'image de la page Facebook de l'émission. Venez la liker, venez rejoindre la famille. Facebook.com/Bruno dans la radio et sur votre curseur. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Le point sur l'actu de ce mercredi, c'est le 22 juin. Justine Salmon. Oui. Je veux dire qu'elle a été sous le charme, Justine Salmon. Mais complètement, je le dis, twist, m'a convaincue. Le twist d'Eliott, à mon avis, tu peux la brosser. Alors ça. Par contre, tu prends un ticket. Parce que, ouais. Alors ça sera pas possible cet après-midi. Non, non, moi, et en plus, j'ai acheté un fast-pass. Ouais. Non, ça, attendez, je passe à 14h30, je coupe la file, moi. Donc, non, c'est derrière comme tout le monde. Jeudi, le planning est fait. Ouais. On a peut-être un créneau vendredi, mais alors par contre, c'est 10h, 10h15. Ouais. C'est plus ce qu'il faut, t'inquiète. C'est comme pour les appartements, c'est une visite à plusieurs. Non, on peut pas faire du cas par cas. Justine Salmon pour les infos là, de ce mercredi. Bonjour. Vendez du rêve. Hein. On y va pour la météo et enfin, je vous annonce du soleil. Il va faire beau aujourd'hui sur la plupart du pays. Ce sera juste orageux et pluvieux en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie. Les températures, ça monte de 15 à 20 degrés ce matin. Et cet après-midi, on attend 25 à Nice, 27 degrés à Caen. Il fera 32 à Bordeaux. Même temps attendu pour demain. La taxe soda est de retour. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. L'idée de taxer les boissons sucrées sera présentée aujourd'hui à l'Assemblée. Ce rapport prévoit également de baisser certaines taxes sur les produits alimentaires. Cette mesure pourrait coûter 600 millions d'euros à l'État. Pas de grève chez Air France finalement ce week-end. La grève des pilotes n'aura pas lieu. Ils ont réussi à trouver un accord avec la direction. Et puis la manifestation de demain contre la loi travail est encore en suspens. Les syndicats refusent toujours l'idée d'un rassemblement statique et le gouvernement réfléchit encore à interdire ou pas un défilé. On passe au foot avec l'Euro. Hier soir, défaite surprise de l'Espagne, battue 2-1 par la Croatie. Les Espagnols terminent deuxième de leur groupe. Ils affronteront l'Italie en huitième de finale. Ça passe aussi pour la Croatie, l'Allemagne et la Pologne. Aujourd'hui, ce sont les quatre derniers matchs de poule. À 18h, on a Islande, Autriche et Hongrie, Portugal. À 21h, Italie, Irlande et Suède, Belgique. Bon réveil. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. Bienvenue sur Fun Radio, 7h34, dans la demi-heure, Era is stressé. Il y aura Moum avec Aloha. Et Café Del Mar. Ouais, on a une grosse demi-heure. Et là, vous vous dites, mais c'est pas les sons qu'on entend hier, c'est normal. Vous écoutez la première radio Dance Floor de France. Vous êtes sur Fun Radio. On va revenir sur les morceaux de drague de l'équipe, d'accord? Monsieur Elliott a fait une petite démonstration, donc, dans ce titre de drague. C'est quoi les morceaux que vous utilisez, vous, pour draguer? Je vous ai pas donné le mien. Vous voyez que je vous le donne maintenant? Bah, oui. Moi, je trouve idéal pour draguer ça. Bon, alors, je tourne en rond, hein, vous allez me dire. Mais ce morceau de YouTube pour la drague, il est extraordinaire. Ça s'appelle Electrical Storm, petite montée toute douce. Et ensuite, refrain. Et le message, you're in my mind all of the time. Ah, tu oui. es dans ma tête tout le temps. Mais bien sûr. Ah. Hop, et là. Là, je sais que c'est pas assez. Voilà. Ça, ah, c'est ouais. mon petit truc de drague à moi. Ça, et, oh, il va pas ouvrir sa gueule avec son. Non mais là au moins il y a un contact physique, tu danses en boîte, machin, tu passes sous les gens, il y a vraiment de la transpiration qui se mélange. Ah non, génial. Mais, c'est vrai. Mais qui n'a jamais pécho avec ça? Mis à part un mec qui est dans le Kentucky peut-être. Mais en plus Vaché, t'as toujours les mains moites toi. Ben, tu dois glisser ah avec ouais, les alors, mains de la meuf. Autant il y a des trucs, je peux en rire, autant ça me gêne vraiment. Non mais j'ai un problème de main, mais pourquoi on parle de ça? Mais je sais pas. Allez, vous savez quoi, chanson du jour, c'est parti. Are you ready? Bruno règle vos problèmes avec la chanson du mercredi. La chanson du mercredi. Faites sonner le clairon pour Enzo. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Salut Enzo. Bonjour. Enzo, 19 ans, t'es à Agen. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr pour demander de faire un message à ton papa Philippe. On est d'accord? Oui. Tu m'as dit que vous étiez plus ou moins proche avec ton papa, que tes parents étaient divorcés depuis 4 ans et que depuis, il a retrouvé une copine qui s'appelle Audrey. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Tu vois ton père un week-end sur deux et Audrey est spéciale. Qu'est-ce qui se passe avec Audrey? Eh ben, ça se passe pas très bien. Elle me fait souvent des réflexions et moi, ça me met très mal à l'aise. D'accord. Mes réflexions par rapport à quoi? Un peu de tout. Ah, soyons clairs, honnêtement, tu fais les réflexions que devrait faire une mère et c'est pas ta mère, point barre. Et c'est tout à fait ça. Voilà. Eh oui, mais après, elle endosse les responsabilités de maman, c'est toujours pareil. Toi, tu vois ça du côté de l'enfant, je vois ça du côté du papa. Moi, tu vois, c'est compliqué quand tu arrives dans un couple, bah, tu vois, tu vas pas laisser le dawa à la maison sous prétexte que c'est pas ton fils ou c'est pas ta fille, quoi, tu vois. Je suis d'accord. C'est important aussi. Bah après, il y a toujours une période d'apprentissage où tu apprends de l'autre. Ça dure plus ou moins longtemps, quoi. Il faut un donnant-donnant. Mais après, toi, tu me dis que, bon, des fois, t'es chiant, tu l'avoues, mais que tu mérites pas ce traitement. Une fois, t'as dit que tu faisais la vaisselle et à te critiquer. Quoi que tu fasses, elle est derrière ton dos à être prompt en tant que gueulant. Ça fait 2 années que t'as remarqué ce comportement. Et t'en as marre, et t'es pas le seul, puisque Lola, qui est ta sœur, l'a remarqué aussi. T'avoues également que maintenant, du coup, t'as plus envie d'aller chez ton père à cause d'elle. C'est ça? Par moment, ça m'arrive de plus y aller. Tu me dis, voilà, je la respecte, c'est ta belle-mère, mais qu'elle joue un rôle de mère, bah, t'en as pas besoin parce que t'en as déjà une. Bon, ouais, tout à fait. Je comprends ton point de vue, Enzo. On va essayer de le partager avec ton père, d'accord, qui en attente au standard. Il sait pas pourquoi il va arriver à l'antenne. On lui fait le message en chanson et après, bah, on essaye d'en parler tous les trois, d'accord? D'accord. Tu bouges pas, oui, Elliot. Petite question, tu l'aimes bien quand même, cette belle-mère, si elle arrête de faire ses bêtises? Tout à fait, oui, elle est très sympathique si elle ne fait pas ça. Voilà, donc c'est, voilà, il est ouvert aussi. Ouais. Il y a une bonne base. Il y a une bonne base de travail. Au téléphone avec moi ce matin, il y a Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Philippe, bienvenue. Je m'appelle Bruno Guillon et tu es en direct sur Fun Radio. D'accord, Fun Radio. Ouais. Et si tu es là ce matin, Philippe, c'est que j'ai un message à te faire écouter, c'est une chanson. Alors, le texte de la chanson est important parce que il t'est dédié. C'est une chanson qui a été écrite spécialement pour toi. D'accord, Philippe? D'accord, ok. C'est un message de la part de Enzo. Ah, Enzo, oui, je vois qui c'est. C'est mieux. Ça démarre bien, oui, déjà. Oui. Le mec qui a un enfant dans chaque ville, Enzo, oui, je vois. C'est un jeune Enzo, c'est ça? Philippe, ouais, ça fait, oui. T'écoutes les paroles, on en parle après? Ok, j'écoute. C'est parti. Oh papa, je suis vénère, oui grave vénère, à cause de ma nouvelle belle-mère. Là y en a marre, j'en peux plus qu'elle fasse la fière, car en vrai papa, je n'ai pas besoin d'une deuxième mère. Là y en a marre, j'en ai ras le fion, car tout le temps elle fait des réflexions, elle critique tout ce qu'on fait dans la maison. J'en peux plus de cette situation. Papa, chose à nos projets. Alors faudrait que tu lui parles. Oui, pour qu'enfin tout redevienne à la normale. Là, il y en a marre. Car malgré tout ça, moi je l'aime bien. Mais là, je me sens vraiment pas très bien. Alors voilà la vérité, sinon pas. Philippe. Oui. Est-ce que tu as compris le message? Oui, j'ai compris, mais il m'a déjà parlé. Ouais. C'est compliqué. Le délire des familles recomposées, c'est compliqué, mais c'est compliqué aussi. C'est Audrey, hein, c'est ça son prénom. Ouais, c'est compliqué ça. Quand t'arrives et que tu récupères les enfants de quelqu'un, bah, la situation, le curseur est difficile à placer entre la copine, mais également l'autorité et tout ça, c'est dur. Hein. Elle a quel âge, Audrey? Ouais, elle a la trentaine. Ouais, en plus elle est plus jeune, ouais. C'est dur, c'est compliqué. Ça doit pas être facile. Bon, Enzo, en tout cas, ça le fait un peu chier. Alors, soyons clairs, il déteste pas ta nouvelle meuf, loin de là. Non, je sais, oui. C'est juste le comportement, et il voulait t'alerter sur le sujet, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, à cause de ça, bah, il a un peu moins envie de venir te voir tous les 15 jours, et ça, c'est un peu bête. Et déjà, vous vous voyez pas beaucoup, donc c'est sûr qu'il faut faire en sorte que ces moments soient bons. Mais juste pour la défense d'Audrey, parce que je pense que c'est pas évident. Elle, tu sais, t'es maladroite au début. Bien quand sûr. T'essayes d'être autoritaire, et je pense que c'est juste ça, en fait. Oui. Là, ça fait 2 ans. Bon, Enzo. Ouais, voilà, ça fait un petit moment, et puis après, les choses évoluent, mais bon, après, il faut que lui aussi. Écoute, le mieux, c'est que vous en parliez. Enzo, t'es en direct avec ton père. Ouais. Oui, salut, papa. Oui, bonjour. Ça va ? Oui, mais de toute façon, on en parlera. Je l'ai déjà dit qu'on en parlerait. Mais il n'y a rien de bien, bien méchant. Non, non, pas du tout. Enzo, bah, tu sais qu'il faut dire un truc. Hein. Moi, j'ai ouvert le message, mais si tu parles pas, ça va être compliqué. Oui, après, oui, je t'en avais déjà parlé, voilà. Et t'es un peu au courant déjà. Puis je m'entends bien avec Audrey aussi, mais parfois quoi, ça, j'ai envie de craquer. Il y a des moments. Bon, hey, Philippe. Oui. Prochain week-end quand Enzo est là avec sa sœur, 6 restos tous les 4 à la cool et sous couvert d'une bonne ambiance, vous abordez les sujets de fond. Oui, d'accord. Pas de souci. Bon, je t'embrasse, Philippe. Enzo. Oui. On a engagé la discussion. À toi de jouer. Je t'embrasse. Ok. Ciao, ciao. Ça va s'arranger, cette histoire. Et au pire, avec sa belle-mère, il veut faire un câlin de réconciliation. Ah ouais, si elle a des gros seins, c'est super. Mais ça va pas, il n'y a pas de lien de sang. Il n'y a pas de lien de sang. Et alors ? Et alors ? Mais ça risque rien. C'est la meuf de son père. La loi l'autorise ? Tu veux aller contre la loi ? Attends. Mais vous êtes des fous. Mais non, mais c'est un fantasme, la belle-mère. T'as déjà regardé la catégorie belle-mère sur YouPorn ? C'est super. Step-mom. Step-mom, ça s'appelle. Mais vous êtes des malades. Mais il n'y a pas de lien de sang. Les amis, excusez-moi, on va faire une petite coupure. Quoi ? D'accord ? Non ! Je vais débriefer et on revient avec Eric Treffy. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer Crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Skoda. Attends, je connais une technique pour réparer ton pneu. D'abord, tu fais fondre un morceau de caoutchouc avec un briquet, tu vois. Non, mais t'inquiète. T'étales bien au niveau de la crevaison, tu laisses sécher. Oui, mais... Ensuite, faut gonfler. Prends une pompe à vélo. C'est bon, je te dis. Chez Skoda, mes pneus sont assurés 3 ans et 100% remboursés la première année en cas de dommage. Et jusqu'au 13 juillet, le pneu Michelin 16 pouces est à 79€ seulement. Et je peux prendre rendez-vous sur skoda.fr/RDV. Clic, clic. Ah. Skoda. Passer en mode facile. Offre réservée aux particuliers chez les partenaires participants, conditions sur skoda.fr. Chez Sarenza, les soldes chaussures démarrent aujourd'hui. Et Charlotte, du service client, ne parle que de demain. Demain, les chaussures. Vous les aurez demain. Oui, demain, les chaussures. Absolument, la livraison est gratuite en 24 heures. Voilà, commandez vos chaussures avant 14 heures, vous les aurez demain, les chaussures. Vous les aurez demain. Je lui ai proposé un petit massage pour la relaxer entre deux appels. Elle m'a répondu... Utilisez plutôt vos petits doigts pour cliquer sur l'appli Sarenza. Vous les aurez demain. Vous l'aurez certainement compris. Chez Sarenza, vous les aurez demain. Vos chaussures Nike, Geox, Adidas et toutes leurs copines. Sarenza.com. Voir conditions sur le site. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Les plus grands DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 14, 15 et 16 juillet pour l'Electro Beach 2016 avec Fun Radio. Electro Beach. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2016, les 14, 15 et 16 juillet à Port-Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electro Beach. Fun Radio. Fun Radio. Cause I feel my heart numbing. It hits so deep I close my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay. Mercredi, c'est le 22 juin. Merci d'avoir choisi Fun. Et Raïs Treffy arrive dans quelques secondes. 8h10 en direct sur Fun Radio. Je vais payer de la facture. On aura Carole à Lille à cause d'une cliente. Elle s'est mordue la joue, Carole. Elle a appelé le 3228. Comment on peut se mordre la joue à cause d'une cliente? Bah, elle va nous parler de ça là, dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Mais pour l'instant, je voudrais que nous revenions sur ces morceaux que l'on utiliserait pour un plan de drague. Hashtag Bruno Fun Radio. On est en top tweet France là depuis 6h15. Vous nous dites ce morceau qui pour vous vous permet de pécho à tous les coups. Ça c'est celui de Christina. Numéro 1 du classement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Il y a des trucs improbables dans le vrai classement qui a été fait par une application de rencontre Appen et Spotify, la plateforme de téléchargement de Zik. Le plus improbable, ça reste le morceau de drague de Vaché. Je suis désolé. Ouais. Hein. C'est son délire. C'est horrible. C'est parce qu'il y a la danse qui va avec. Et je comprends, moi. C'est hyper. Tu vois, c'est des soirées où tu te prends pas la tête. T'es dans une petite boîte à la campagne où tu rentres comme tu veux. Là, c'est pas les boîtes qui se la pètent là dans les grandes villes. Et, oui. Et puis tu vois, tu chopes la main de la fille et puis tu passes sous les gens et puis au bout d'un moment, tu lui fais un bisou. Exactement, tu l'as fait tourner et tout, tu l'as fait tourner et hop, tu changes de personne. Et quand elle tombe dans les pommes, tu peux que... tu peux envisager des choses sérieuses. Voilà. Et après, bon, faut avoir un bon avocat par contre. Youssef à Lyon, salut Youssef. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh, oh. Youssef, chanson de Drake, c'est quoi pour toi? Moi, c'est Justin Timberlake, What Goes Around, What Goes Around. What Goes Around. What Goes Around. Il était bien celui-ci. Ah là, je te suis c'est complètement. Ouais, c'est un délire de lover, mais ça marche. Justin Timberlake, je peux comprendre. Youssef, je t'embrasse, mon pote. Bisous. Belle journée, ciao ciao. Mélissa à Brive-la-Gaillarde. Salut Mélissa. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Salut. Mélissa, morceau de drague, c'est quoi pour toi? Alors moi, le top pour m'amuser, c'est une chanson de Muse, Follow Me. Oh, m'amuse. Ah, pas mal. De mots. C'est juste magique. Ah ouais. Et je te confirme. Follow Me, ça veut dire suis-moi, mais c'est pas forcément un mec qui drague, hein, c'est peut-être un tueur en série. Donc c'est oui, c'est vrai, mais bon, on traduit pas, c'est pas grave. Ils l'ont joué à Bercy, enfin machin Arena, à Accor. Hôtel Hôtel Accor, Hôtel Arena. Oui, j'y étais. Haribo Arena, Sopiqué. Ouais. Il était bon, il était bon ce morceau, Mélissa. Ouais, complet. Je te fais des bisous, ma belle. Excusez-moi, j'aime bien Muse aussi. Oui, bah c'est quoi? Oui, au départ, quand j'ai envoyé mon CV dans ce groupe de radio, je voulais être animateur sur RTL2. Ils m'ont dit sur Fun. Et bah je fais comme si de rien n'était, voilà. Alors de temps en temps, oui, c'est vrai. Quand il y a un YouTube qui part, et bah ça me fait plaisir. Est-ce que ça fait de moi un homme différent? Un peu. Pourquoi vous me regardez comme ça avec un regard de... Oh, on te juge. Voilà, vous me jugez. C'est comme sympa. Un élève qui aurait été... Il a suivi une filière scientifique et puis au bout d'un moment, on le met en L. Déviant. C'est gouré. Et ben voilà, et ben prenez-moi comme je suis. J'aime la dance, j'aime le rock. Et alors, merde. Elisabeth, excuse-moi. Bonjour Elisabeth. Coucou Bruno, salut la famille. Coucou. Elisabeth, alors, tu sais quoi, je voulais te prendre à l'antenne parce que tout à l'heure, on a eu un auditeur qui avait 14 ans et lui, c'était Axel. Il a dit, moi, c'était Macassi doucement pour draguer. Toi, t'en as 51. Comme ça, ça nous permet de nous faire un grand écart, tu vois, entre 14 et 51. Oui, tout à fait. Elisabeth, pour te draguer, toi, à 51 ans, comment t'ambiance? Eh bien, écoute, moi, j'aime bien Marc Lavoine, Les Yeux Revolver. Oh là là. Un peu spécial, les célibataires. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Elle a les yeux et camembert. Elle a le regard qui pue. Elle a tiré la première. On ne se moque pas, on ne se moque pas. Mais non, et Elisabeth. Oui. On rit avec, on ne rit jamais deux dans cette émission. Voilà. Voilà. Donc, mais je sais. Tu sais que, et alors je t'avoue un truc, Elisabeth, mais Christina, oui, le sait, je lui ai déjà dit, pour moi, Marc Lavoine, c'est le chanteur français qui a la voix la plus sexy du monde. Tout à je crois fait. Que dans un délire sous alcool, il pourrait faire de moi sa chose. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Bruno, mais je trouve qu'il en fait trop des caisses. C'est vraiment. Elle a les yeux. Tu vois la lourde. Elisabeth, je te fais des bisous, ma belle. Mais moi aussi, des gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Salut Bruno, c'est Marc Lavoine. Merci. 7h53, c'est Fun Radio. Ah ouais, ça par contre, j'ai oui là. Parce que ça, c'est péchu, ça. Non, mais je blague. Ah ouais. C'est pas péchu, ça, c'est décès. Les amis, vous vous êtes trompés de radio. RTL2, c'est à côté. On embrasse nos potes d'RTL2. Tiens, Christophe, Nicolas et toute sa bande, on leur fait des bisous. Un gros bisou à mon Christophe, d'ailleurs. Et Raïs Tréfi, bonne bonne, c'est tout de suite. Et c'est sur Fun. No sé dónde vete. Se me voy por ti, veo. De tu pato me veo. Se me dañe un creo. Se me van. Even this is buns, bun. Dun, dun. Bet you wanna taste it. Bun, bun. Bet you wanna taste it. King of the 7h56, c'est Fun Radio, c'est l'heure du JPI. Le JPI vous est présenté par la grosse émission, tous les jours sur Comédie Plus à 18h22. Environ. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, soldes. Aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes et rappelons que le concept des soldes, c'est d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas. Bac. Aujourd'hui, au bac pour la série littéraire, c'est le grec. Sauce blanche ou harissa? Aujourd'hui, au bac, il y a également les épreuves d'art, de langue et culture, de l'antiquité avec latin, de mathématiques, de sciences de la vie et de la terre, d'écologie, agronomie et territoire et de sciences de l'ingénieur. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? Oui? Qu'est-ce que vous faites là? Je prends une aspirine. Rien que le nom des épreuves m'a foutu la migraine. Ouais, et encore, pensez à ceux qui vont les passer. Et pour finir, si vous aimez la musique électro et les plats en sauce, découvrez la dubstep. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. 7h57, c'est Fun Radio, Mathieu Canabi. Ça va arriver sur Fun Radio, il y aura également Paradise, Benny Benassi. Tout à l'heure, 9h30, fin d'émission. On prend un taxi, il y a quelqu'un qui va nous chercher pour aller à l'aéroport. Oui, nous avons plusieurs taxis, puisque je vous rappelle que nous sommes à peu près 1500. À quelle heure il est notre avion? Il est à 11h50 précisément. On part d'où? D'Orly. Orly, très bien. Nous partons à Ibiza. Demain, nous serons en direct d'Ibiza, demain matin, entre 6h et 9h15, depuis la terrasse de l'Ushuaïa Hotel, qui donne sur l'Ushuaïa Club. Ça va être mon cauchemar pendant 2 jours, parce que là, tu vois, je suis en pleine forme et tout ça. Quand t'as pas beaucoup dormi, si t'as un peu bu, tu dis pas Ushuaïa. Quand vous commencerez à m'entendre dire demain vous dites ok d'accord, il y a un problème. Vous savez ce qu'il faut manger pour bronzer? Parce que là je vois que tout le monde a mis cette petite tenue de plage. Parce que bah, il fait 32 degrés là-bas donc forcément. Bah je connais un aliment. Dis-moi. Les carottes. Alors les carottes, il y en a. Ouais, ah bah oui, bien sûr. Ouais, parce que il y a le chocolat noir également. Parce qu'il y a le bêta-carotène, ça transforme ça en vitamine A. Le concombre aussi, ça marche. Ah d'accord. Bronzage. Pour le bronzage, je parle. Ah, d'accord. Faut pas le mettre dans corps, c'est sur son corps. C'est pour le bronzage, hein. Il faut le manger. Hein. Je le mangerai. Okay. Le thé vert, les fraises, les mûres, le kiwi, la patate aussi, ça marche. Et les pastèques. D'accord. Voilà, je vous le dis, ouais, ça ne sert à rien. Voilà, aujourd'hui, il y a du soleil partout en France, les amis. C'est vrai. Donc, je le dis, aujourd'hui, on parle de soleil. Il y a une journée d'été, c'est aujourd'hui, donc vous en profitez, me faites pas chier. Vous soyez dans le nord, le sud, quelle que soit la région, aujourd'hui, il y a un grand soleil tout jaune. Cette boule de feu, les amis, ça s'appelle le soleil. Profitez-en, demain, il n'y en a plus. Dans un monde sans espoir, sans âme, sans rire, sans dentifrice, elle est la seule à pouvoir changer les choses. La grosse émission revient sur Comédie Plus, du lundi au vendredi à 18h22. Environ. Bonjour, je m'appelle Georges. J'ai un pouvoir extraordinaire. Il me permet de parcourir le monde et de communiquer avec qui je veux. Je n'ai aucune limite. Bonjour, je m'appelle Georges. Et mon pouvoir, c'est de savoir parler anglais. Avec Acadomia, votre enfant apprend l'anglais différemment. Une démarche pédagogique unique fondée sur l'expression orale et un entraînement efficace lui offre la possibilité de maîtriser un anglais certifié. Réel passeport pour le monde de demain. Renseignez-vous dès maintenant pour la rentrée sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Dis, oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami? Oui. Avec les pop-corns? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Si le canapé, je mettais plutôt ici, et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. C'est la holla des promos chez Intermarché. Les 6 Magnum classiques sont à seulement 2,52€ grâce à 30% de remise immédiate. Eh oui, 30% de remise immédiate. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 474 grammes, 5,32€ le kilo jusqu'au 26 juin. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Mercredi, c'est le 22 juin, vous écoutez Fun Radio, on est là sur Twitter, les amis, Instagram, avec le hashtag Bruno Fun Radio, vous balancez vos messages. Tout plein de messages qui continuent d'arriver avec les chansons spéciales drag. Peut-être qu'on reviendra dessus avant la fin de l'émission, là, avant 9h15. En tout cas, avant 9h15, ce qui est sûr, c'est que je vais vous offrir 2000€ cash. Je vous explique comment juste après les news. Fun Radio, le son Fla. Et les infos, c'est avec Justine Salmon, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bon réveil, bienvenue. On y va pour la météo, ça y est, enfin c'est l'été pour presque tout le monde. Un grand soleil sur la plupart du pays, ce sera en revanche couvert, orageux, avec un peu de pluie en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie. Les températures sont estivales, de 15 à 20 degrés ce matin. On attend cet après-midi 23 à Brest. Il fera 25 degrés à Lille, 29 à Strasbourg et 31 à Bourges. Même temps attendu pour demain. Ça y est, c'est parti. Coup d'envoi des soldes d'été dans les magasins, mais aussi sur Internet. La météo de ces dernières semaines n'a pas vraiment incité les consommateurs à dépenser. Séance de rattrapage donc à partir d'aujourd'hui. Vous avez 6 semaines jusqu'au 2 août pour en profiter. Bah dis-moi, donc ça nous fait un malaise. Ah bah tu sais, qu'est-ce ça qu'il y a, elle avait un petit chat dans la gorge, oui, qui était là depuis le début. À force d'avaler n'importe qui, n'importe quoi, pardon. Ah bah du coup. Veuillez m'excuser. Pardon, je confonds. Nous sommes à la veille de la manifestation contre la loi travail. Le gouvernement réfléchit donc encore. On t'a déjà dit que c'était une arnaque ou pas? Vraiment. Pourquoi? Parce que franchement, nous on te trouve adorable, on te trouve canon, etc. Mais est-ce que tu penses pas à un moment partir sur l'animation plutôt que le journalisme? C'est quoi, moi je sens ça. Ouais, ou le pole dance. Le pole dance. Quoi, je peux me tromper, mais je te vois plus animatrice que journaliste. Bah écoute, ça, rendez-vous. Hein. Eh ben, je sais pas, tu vois. Les infos, on sent que c'est pas ton truc, tu les vis pas. Tu les vis pas, ça te fait chier de parler des manifs de SCGT et tout, mais on le sent. Oui, si, là, les manifs, j'en ai un peu marre. Eh ben voilà, et bah dis-le. On va être honnête. Mais j'aime bien parler de l'euro. Ah très bien, alors parle de l'euro. Et défaite surprise de l'Espagne hier soir 2-1 face à la Croatie. Les Espagnols terminent deuxième de leur groupe et affronteront l'Italie en 8e de finale. Qualification également de la Croatie, de l'Allemagne et de la Pologne. Les Polonais joueront face à la Suisse. Il est 8h04. Bon réveil à tous sur Fun, c'est Bruno dans la radio. Bienvenue. Jeudi et vendredi, toute l'équipe de Bruno dans la radio s'envole. Direction Ibiza. Ibiza. Bruno dans la radio en direct d'Ibiza. J-1. Mercredi, c'est le 22 juin. Vous écoutez Fun Radio. Il est 8h04. Bonjour! Bonjour! Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France. Bienvenue sur Fun Radio. Mathieu Canabi qui arrive dans quelques secondes. Paradise, Benny Benassi et toute l'équipe de Bruno dans la radio qui est là ce matin. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Et bonjour. Elliot. Bonjour, bonjour. Et toute l'équipe de Bruno dans la radio qui est là. Il y a Fonf qui réalise cette émission. Bonjour. Ça va, Fonf. Ça va. Il y a Meryl qui est au web. Ça va, Meryl. Coucou, ça va. Ce beau monde qui va partir à Ibiza. Le standard. Amélie qui est au téléphone, mais qui va me faire un petit coucou. Coucou. Il y a Mathilde qui est là. Hello. Il y a Luzman. Ouais. On sent que t'as mis moins d'entrain sur Luzman. Ouais. C'est bizarre, t'as fait. Il y a Luzman. Luzman, il faut que tu m'expliques quelque chose. Oh. Ah, on va en reparler. Oui, c'est, parce que l'heure est grave, l'heure est grave. On a eu avant toi un standardiste qui s'appelait Aurélien. Oui. Qu'on n'a pas gardé parce que la personne n'était pas très très douée. Donc, et puis au moment où Aurélien est parti, t'es arrivé en nous disant voilà, moi je veux bien remplacer Aurélien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Luzman. Donc le gars était avec son costume de super-héros et nous on a dit ah ouais putain bah Luzman c'est fort, avoir un standardiste en super-héros, je trouve ça super classe. Bien sûr. Et même Luzman il était super excité de montrer que c'était un super-héros, voilà. Il s'est créé un compte Twitter. Bien sûr. Il se prenait en photo tout le temps. Bien sûr. C'était, on voyait qu'il aimait ça quoi. Et là aujourd'hui, enfin depuis maintenant deux semaines, Luzman donc met son costume de Luzman pour la photo à 6h du matin, vous pouvez l'avoir sur la page Facebook, d'accord. Donc le costume avec le masque de Luzman, mais qui est-il? Et alors après pendant l'émission, Il enlève le haut du costume, il roule en boule au niveau de la taille et il s'assoit. Ouais. Parce qu'il a du chaud. Je dis, mais c'est quoi l'intérêt, Luzman? Il me dit, mais j'ai chaud. Je dis, oui, mais vu que tu es assis, du coup, bah, t'as plus de costume. Et quand t'as plus de costume, tu ressembles à Aurélien, vraiment. Ah ouais, on nous confond souvent. Non, c'était un gage, Aurélien. Enfin, non, Luzman, s'il te plaît. Attention, vous vous trompez, Bruno. Mais tu sais quoi, moi, je serais assez pour lui donner un nouveau gage. Ah, bah génial. Déjà. On sait qu'il doit porter le slip de Borat. Alors, ce qui est énorme, c'est qu'on a eu une réunion. C'est véridique ce que je vous dis. Hier, on a eu une réunion d'antenne avec notre boss de Fun Radio, parce que toute l'équipe de Fun Radio vient. Et notre boss a dit, vraiment, je veux pas que vous nous fassiez honte. Je veux que vous nous représentiez bien, parce que notre boss a beaucoup de bon goût. Ouais. Il a dit, pas de Marcel, pas de Tong, ouais. Je veux pas les tuches en vacances. Quoi? Sauf Luzman. Luzman, on a une dérogation. On lui a pas dit. Ah, il se prend pour qui, le Parisien? Moi, je vais venir en Marcel, je m'en fous. Hey, je vais venir. Les Tong, d'où c'est ringard, les Tong. Luzman, ouais. Tu sais quoi? Alors, on part à Ibiza là tout à l'heure en fin d'émission. Ouais. Qu'est-ce qu'on... On arrive à Ibiza à quelle heure? T'as ta voix de connerie là. À 13h50. À 13h50, on pose le pied à Ibiza. D'accord. Ouais. À partir du moment où ton pied pose le sol d'Ibiza. Mais oui. Regarde-moi bien. Je veux non-stop jusqu'à temps qu'on reparte. Oui. Que dès que t'es à côté de nous, tu danses. Quoi? Je veux qu'il n'y ait pas une vidéo de toi. Quoi? Dès qu'il y a des Facebook Live, etc. Je te veux en dansant. Mais c'est... Je te veux en slip de Borat et en danse. Ah ouais. Mais pour manger? Eh ben tu manges en dansant. Ouais. Et pour sauf pour non. Quand on n'est pas en live, tu peux avoir une vie normale, d'accord? Okay. Et dès qu'on est en live sur les réseaux, ça veut dire par contre, par exemple pour l'émission de demain matin en direct. On est en streaming vidéo, donc là par contre tu danses pendant 3h15. C'est génial. Mais il a pas de muscles, il va pas tenir le rythme. Ah, tu rigoles. T'as le droit de boire, etc. Est-ce que tu relèves le défi? Oui. J'adore l'idée. Tu sais quoi? C'est rien bizarre. Que pour ça, ma vie est refaite. Mais tu sais quoi? Moi, en fait, ce qui est génial, c'est si sur le streaming, par exemple, en direct d'Ibiza, c'est bien s'il se place juste derrière toi et qu'on est tout le long pendant qu'on parle, un mec en train de danser derrière, mais qu'il ne s'arrête jamais, même sans musique. Ah, je trouve ça génial. C'est le meilleur concept ever. Excusez-moi, vous pensez qu'il va aussi démissionner en dansant là avec vos collègues? Non, est-ce que tu acceptes, tu relèves le défi ou pas? Ouais, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ah, j'adore l'idée. J'adore. Et donc, à chaque fois que la caméra est sur toi, moi, je veux que tu sois tout en danse. Voilà. Ok. Mais alors, par contre, je vous préviens, quand je danse, n'appelez pas les pompiers, c'est pas une crise d'épilepsie. Hein. Et voilà. Alors, à quelle heure on arrive à Ibiza? 13h50. À 13h50, alors je sais pas si on peut filmer dans l'aéroport. Dès qu'on sort de l'aéroport. Facebook Live, donc page facebook.com/Bruno dans la radio, comme ça vous allez suivre un peu les coulisses de cette émission. Et donc Aurélien en mode danse, enfin Luzman en mode danse, quoi qu'il arrive. Oh, si aux infos vous voyez un avion genre qui commence à avoir des turbulences et à pas tomber. De vanne, parle pas de vanne sur l'avion. C'est à cause de Bruno qu'utilise la 4G. Attendez, mais je vous jure, Elliot, pas de vanne sur l'avion. Qui a peur de l'avion? Il y a Karina qui a peur de l'avion, ça fait un mois qu'elle est en détresse psychologique. À chaque fois que tu fais une vanne sur l'avion, tu prends le risque de te faire tuer par Karina. Ouais. Carole! Oui. Est-ce que tu peux me donner 3 minutes avant que je te prenne à l'antenne ou pas? Il y a pas de souci, je suis très bien avec vous, donc il y a pas de problème. Bon bah tu restes avec nous. Carole s'est mordu la joue à cause d'une cliente. Elle va nous expliquer ça pourquoi. Là dans 3 minutes sur Fun Radio, le temps d'écouter Mathieu Canabé, Miss California. She's Miss California. Part of me wants to lay. autre pour moi. Superficiel, je crois. Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle m'a emmené. J'ai voulu tenter le coup. Avec elle, j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. On va parler People dans 10 minutes sur Fun Radio avec Christina, invitée People ce matin. C'est Kev Adams, c'est la grande classe. Benny Benassi, ça arrive sur Fun Radio là dans 10 minutes. 8h30, on va jouer ensemble Overboard à vous offrir ce matin à l'occasion de la sortie du film Star Trek, là, le nouveau Star Trek cet été avec Fun Radio. Et en fin de semaine, un séjour de rêve à Londres, 3000 euros, la valeur du séjour pour assister à l'avant-première du film avec toute l'équipe du film. Ça va se jouer ce matin sur Fun Radio. Pour l'instant, Carole est à Lille. Bonjour Carole. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour Carole, je parle de toi depuis tout à l'heure. Il est temps que tu nous racontes cette histoire. T'as 28 ans. Tu bosses dans quoi? Parce que tu marques à cause d'une cliente. Tu bosses dans quel genre de magasin? Dans un hôtel. D'accord. Et tu t'es mordu la joue à cause d'une cliente? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, cette dame, elle vient me voir à la réception. Et elle me dit, elle m'explique qu'elle ne parle pas bien français. Et elle me demande quelque chose. Elle me dit, je vous trouvez du fromage, s'il vous plaît. Alors je dis, oui, madame, un petit instant, s'il vous plaît. Donc, je vais chercher une assiette de fromage et je reviens. Je lui donne. Elle me regarde un peu bizarre, de haut en bas. Elle regarde l'assiette, elle me regarde moi. Et elle répète, je voudrais du fromage, s'il vous plaît. Ben, je dis, oui, madame, fromage, cheese. Et elle me regarde comme ça, tout à fond. Elle me fait, oh non, non, non, non. Je voudrais du fromage dans mon chambre. J'ai froid. En fait, elle faisait du chauffage. D'où le mordage de joue. Bah, parce que je... Pour pas éclater de rire. Ah ouais, mais franchement, j'ai joué. Et là, t'as un mec dans sa voiture, il y a qui est-ce qui sont cons, ces Anglais. Là, ouais, c'est Rosebif. C'est très drôle. Bah oui, tu m'étonnes. Mais en même temps, quand tu bosses dans un hôtel, tu dois en voir tous les jours. Merci, oui. Carole. J'ai envie de t'offrir un casque, Bruno, dans la radio, parce que j'ai aimé cette anecdote. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup, Bruno. Je te fais des bisous, Mathieu. Bisous. Moi aussi, je vous embrasse. Ciao, ciao. Je vais payer de la facture dans quelques secondes. Je voudrais juste faire un bisou à un auditeur sur Twitter, c'est ThéoFab31 qui, avec le hashtag BrunoFunRadio, a fait un photomontage de l'équipe à Ibiza. Je viens de le retweeter, on va le retweeter avec le compte BrunoFunRadio. Il faut le mettre sur Facebook, ça, il est énorme. À voir, absolument. Il faut absolument voir la tête d'Eliott. Voilà, teasing, elle est sur Facebook, elle est énorme. Attendez, j'y vais aussi. C'est extraordinaire. Allez, on la met sur la page génial. Facebook, le photomontage est extraordinaire. Ah, c'est le. Hey, j'ai jamais vu. Et ouais. Le mec, il maîtrise Photoshop. Ouais. J'avais jamais vu ça avant. Mais c'est où? Sur Twitter qu'il a mis ça? On dirait qu'il a fait avec Paint. On le retweet avec le compte Bruno dans la radio. Là. Extraordinaire. Bon, les amis, avant de payer de la facture, si je vous offrais 2000 euros cash. Allez. Il est 8h15, ça nous donne jusqu'à quoi? 8h45, 30 minutes. Pour envoyer Bruno par SMS au 74-900, vous savez comment ça se passe. C'est pas 1000, mais 2000 euros que je vous offre ce matin. Vous envoyez Bruno par SMS au 74-900. Une question va vous être posée. Vous répondez à cette question. On garde en mémoire votre numéro de téléphone portable. Dans 30 minutes, un ordinateur va choisir un numéro au hasard. Et si c'est le vôtre, je vous appelle en direct. Vous avez juste à décrocher, d'accord? Et là, vous gagnez les 2000 euros. 2000 euros, le chèque part ce matin par Chronopost. Vous l'avez chez vous demain. Ça veut dire qu'il est sur votre compte en banque demain dans la journée. Bruno par SMS au 74 900. Vous êtes en voiture pour l'instant, ne vous prenez pas la tête, envoyez le SMS, vous pouvez l'envoyer dans 20 minutes, ça marchera aussi. Vous avez autant de chance en l'envoyant maintenant que dans 29 minutes, le but c'est que ce soit dans la demi-heure. Bruno par SMS au 74 900, bon courage. Bruno, allô ? Paye vos factures. À 7h10 ce matin, on a offert un PC de gamer avec la télécommande à 1000 boules, une belle facture. Et là, on paye encore de la facture. Il suffit juste de me les faire parvenir. Vous les envoyez par mail à facture@funradio.fr. Vous les déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Je vous appelle en direct le matin. Votre facture, c'est cadeau, c'est payé. Ce matin, on part du côté de Sainte-Cécile d'Andorge. On est dans le département du Gard. Allô ? Régine. Oui ? Bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Eh ben c'est qui c'est. Ouais. Bravo. Bravo. Régine, qu'est-ce que tu fais du côté de Sainte-Cécile d'Andorge? Eh ben je suis olfactothérapeute. Oh, oh putain. Alors attends. Olfacto, c'est le nez, l'odorat. Le parfum, l'odorat. Ouais. Tout à fait. C'est l'odorat. Donc ça veut dire que tu soignes par les odeurs? Tout à fait. Je libère les émotions et de la gestion de stress à travers des odeurs d'huiles essentielles. Oh, c'est la première fois que j'entends ça. Non, alors ça, je sais que les huiles essentielles, moi, c'est un truc, je me moquais de ce délire-là. Et depuis un an maintenant, j'utilise ça vachement. Tu sais, les diffuseurs là, de vapeur d'huiles essentielles, ça fait vachement de bien. Ah ouais ? Contre les allergies et pour l'anti-stress aussi. Tout c'est à fait. Eliott aussi, qui a un diffuseur, je crois, chez lui, c'est son cul d'ailleurs. Mais je suis pas fan de cette odeur d'huile essentielle. T'inquiète pas, va. Oh, mais il est bouffe. Pardon. ça va, c'est vendredi quasiment. Et le vendredi. 602,40 €, qu'est-ce que c'est ? C'est tout le matériel dont j'ai besoin, donc j'ai acheté donc des huiles essentielles et puis des parfums pour améliorer ma qualité de travail. D'accord, ok. C'est voilà. Génial. Et alors tu sais quoi, là je trouve ça vraiment très très classe. Je suis scotché parce que je découvre un truc. Et 602,40 €, c'est cadeau, c'est pour moi. Merci Bruno, vraiment merci Bruno dans la radio, c'est génial, j'écoute ça tous les matins et j'adore, merci. Ça fait plaisir, reste là, je te fais des bisous Régine. Je t'embrasse, merci beaucoup. Ciao, ciao. Non, c'est vrai que pour reprendre la discussion de Vachy... Non, c'est bon, on ne reprend pas la discussion. On ne la reprend pas. Et c'est vrai que souvent on ne la reprend pas. Non, mais je fais... Non, on ne la reprend pas. Mais c'est pour dire Benny Benassi, allez la pub. Of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas, Sunlight Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Get your hands up. Dès que vous entendez Dimitri Vegas, Sunlight Mike, mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Tomorrowland, how are you feeling? La radio des DJ et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. C'est parti! Les soldes Chic et Sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Bonjour, je m'appelle Georges. J'ai un pouvoir extraordinaire. Il me permet de parcourir le monde et de communiquer avec qui je veux. Je n'ai aucune limite. Bonjour, je m'appelle Georges. Et mon pouvoir, c'est de savoir parler anglais. Avec Acadomia, votre enfant apprend l'anglais différemment. Une démarche pédagogique unique fondée sur l'expression orale et un entraînement efficace lui offre la possibilité de maîtriser un anglais certifié. Réel passeport pour le monde de demain. Renseignez-vous dès maintenant pour la rentrée sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Ce sont les soldes chez Toys R Us. Chérie, il y a un énorme ours dans le salon et un éléphant encore plus énorme dans le jardin. Bah oui, énorme. Comme les soldes chez Toys R Us. L'ours de Bladvic Lego Shima à moins 40%, soit 23,99€ seulement. La piscine éléphant à partir de 3 ans est à 14,99€ au lieu de 24,99€. Offre valable du 22 juin au 10 juillet. Voir modalité en magasin et sur toysrus.fr. Géant. Géant solde les soldes et frappe fort avec des remises supplémentaires sur des produits déjà soldés. Par exemple, jusqu'à samedi seulement, le PC portable 15 pouces Lenovo G5030 vendu 359 €. Une remise supplémentaire de 30%, soit le PC à seulement 199 €. Solde du 22 juin au 2 août, hors Corse et Alpes-Maritimes. Les prix bas, c'est Géant. Pam palam, pam palam. Tu as vu? J'ai perdu 20 € depuis le début de l'été. Pas mal. Moi, j'en ai perdu 50. C'est pas vrai. Mais si, si, je te jure. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix avec des réductions pouvant aller jusqu'à moins 50%. Alors profitez de l'été avec Darty. Date des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles et sur produits signalés. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses trois enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Jusqu'à 9h. Sur Fun Radio. 8h22, bon réveil, c'est Fun Radio. On va parler people avec Christina dans quelques secondes. Kev Adams, son invité. Il y a quoi comme info ce matin, ma chérie? Ah, j'ai découvert un truc sur Michael Jackson. C'est un peu glauque, mais il faut absolument que je vous en parle. Ah oui, si c'est qu'il est décédé, on est au courant. Benny Benassi, c'est sur Fun. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Bienvenue sur Fun Radio. Dans quelques secondes, il y aura The Chainsmokers. Et alors, je vous le disais, ça nous a donné envie en fait. Ce matin, on a dit que c'était le morceau numéro 1 pour la drague. Suite à cette enquête menée par l'application Happn, application de rencontre, et Spotify. Numéro 1 pour draguer, c'est ça. Et ben, je vais vous le mettre. C'est vrai, on l'a entendu ce matin, on s'est dit, ce serait pas con de se mettre. Hein. C'est Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, après les infos. People! Les people de Christina. Mais pour l'instant, on parle people avec Christina. Qu'est-ce qu'on a au menu ce matin? Je vous parle d'Amel Bent, qui est bien triste. Même 7 ans après sa mort, on continue de découvrir des choses sur Michael Jackson. Ah. Je vais aussi vous faire partager la déclaration du jour. Et Kev Adams nous parlera du métier qu'il voulait faire petit. On attaque avec Amel Bent, donc. Ouais, c'est triste ou net que Amel Bent a fêté ses 31 ans. La nouvelle maman a posté un message sur son Instagram. Un dessin d'une personne qui fête son anniversaire avec des ballons en forme de tête de mort. Et en guise de hashtag, on a « Pas là, mettez où, pas là, mettez où ?» Et en fait, parce que si on voit le message, on ne sait pas de quoi elle parle. On se dit « Elle fait une dépression, tu non, vois. » Mais son mec est en prison, je crois. Exactement. Ouais. En fait, il est en prison pour l'instant. Et donc, en plus, elle vient d'accoucher. Donc là, elle est maman solo. Il est en prison pour escroquerie de permis. Que du kiff. Ouais. Bonne nouvelle. Pas de vanne, hein, je pense. On enchaîne. Non. On va respecter la personne. Et puis, tu sais quoi, on peut même dire, en plus, c'est dommage, elle avait du talent. Voilà. Même si on ne le pense pas. Bon, c'est le site non, américain. Oui, non, elle chante bien. Amel Bent. Mais tu sais, moi, j'imagine plus dans un anniversaire, quoi. Ah, d'accord. C'est le site américain Radar Online qui lâche cette info ce matin. Un rapport de police qui date de 2003 sur des documents retrouvés chez Michael Jackson lors d'une perquisition de son ranch de Neverland. Alors en vrac, il y a des images pornographiques, des images sadomaso, des images de torture d'animaux. Il y a des vidéos d'hommes et de femmes dans des positions perverses et des photos de ses neveux en sous-vêtements. Oh non ! Alors on peut préciser quand même qu'il avait été innocenté, hein, malgré tout ça. Hein. Ah ouais? C'est chaud quand même, mais comment il fait son avocat pour défendre ça? Quand t'as des photos d'enfants tout nus, comment tu veux? Bah, il dit, vous êtes fan de Michael Jackson, monsieur le juge? Bah oui, bah voilà un autographe. Hein, parce que voilà comment il fait. C'est horrible. Bon, c'est la déclaration du jour à retenir. Écoutez bien. J'ai fait un burn-out de célébrité. Je ne supportais plus mes fans. J'avais envie de les gifler. Et c'est à Emma Domas qu'on doit cette déclaration. En même temps, ils étaient deux. Ouais, c'est ça. Emma Domas, on l'a découvert dans la deuxième saison de la Starac. Elle a fait notamment des chansons. Celle-ci, je crois qu'elle a marché. Mon futur à présent. Mon chemin. Bon, ça date un peu. Hein. Et elle a même ajouté qu'elle avait été contactée pour participer à l'Eurovision. Elle fait bien ce qu'elle veut, celle-là, franchement. Un burn-out de célébrité. Oh, mon Dieu. Bon, Le Monde de Dory, c'est le film qui sort aujourd'hui au cinéma. Kev Adams y fait une voix, et donc j'ai posé cette question. Quel métier tu voulais faire petit? Soit acteur, soit boulanger. Il a choisi acteur. Acteur, ouais. Moi, je l'imaginais bien faire des chouquettes, moi. Ouais, ça... Mais qui vendrait dans ses cheveux. Qui irait les chercher dans ses cheveux. Carly Rae Jepsen. C'est ce qui arrive sur Fun Radio et vous appelez maintenant le 3228. On va jouer au jeu des 30 secondes. À tout de suite. Moment avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Dis, oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Wow, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami? Oui. Avec les pop-corns? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. C'est le patron. T'as des nouvelles de Lidl? Ah oui, et des croustillantes, hein. En ce moment, les fines crêpes dentelles de Bretagne au beurre de la gamme Saveur de nos régions sont à 1,29€ la boîte de 85 grammes. Les fines crêpes dentelles de Bretagne sont à 1,29€ selon la recette pure beurre de Quimper? Tout à fait, au beurre. Ah, vous êtes un fin connaisseur, patron, hein. Oui, bon, on compte vraiment pour... Pour du beurre, bah je sais, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,18€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sarenza.com. Chez Sarenza, dès aujourd'hui, nous soldons Nike, Geox, Converse et plein d'autres chaussures jusqu'à moins 60%. Et ça, ça promet de faire très mal. Choisis une paire. Non, j'ai peur, le monsieur, il a dit que ça va faire très mal. Mais non, c'est une expression qui veut dire que c'est génial. Regarde les baskets super soldées. En plus, elles sont livrées gratuitement en 24 heures. Non, j'ai peur. Bobo. Écoute, la seule chose qui peut faire très très mal, c'est de les rater. Aïe. Alors, vite, téléchargez l'appli Sarenza. Voir conditions sur sarenza.com. Tes oreilles. C'est la foire au siège auto chez Baby R Us, l'espace 100% puriculture chez Toys R Us. Jusqu'au 10 juillet, jusqu'à moins 40% de remise sur plus de 150 références. Par exemple, le modèle Triojoie, groupe 2-3, est à 59,99€ seulement au lieu de 99,99€. Toys R Us garantit le meilleur prix et rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur Internet. Voir modalité en magasin et sur toysrus.fr. Carrefour Market fête ses clients. Aujourd'hui, je viens avec toutes mes copines et tous leurs enfants. Ça vous fait plaisir? Oui, et ça tombe bien, Michel. Nous avons des animations et des surprises pour eux. Et en plus, Market fête ses clients avec des promos à gogo. Jusqu'au 3 juillet, pour deux boîtes de glace extrême de Nestlé achetées, la troisième est gratuite. Oh, ils vont être contents! Et c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. C'est la fête pour tout le monde chez Market. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. La boîte de 6 cônes, différents parfums. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Il est encore temps de vous inscrire pour jouer au jeu des 30 secondes et repartir avec votre avant-première à Londres pour le film Star Trek Sans Limite et surtout votre hoverboard. 3228 pour nous appeler. One Radio. Le son. Dance. Floor. Mais tout de suite, c'est l'heure des infos avec Justine Salmon. Bonjour ma Juju. Bonjour Macri, bonjour à tous et bienvenue. Enfin, je vous annonce du soleil. Il va faire beau aujourd'hui sur la plupart du pays. Ce sera juste orageux et pluvieux en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie. Les températures, ça monte de 15 à 20 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 25 à Nice, 27 degrés à Caen, 29 à Metz et 32 à Bordeaux. Même temps attendu pour demain. La taxe soda est de retour. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. L'idée, c'est de taxer les boissons sucrées et ce sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée. Ce rapport prévoit également de baisser certaines taxes sur d'autres produits alimentaires, sur l'eau minérale par exemple. Cette mesure pourrait coûter 600 millions d'euros à l'État. Pas de grève chez Air France finalement ce week-end. La grève des pilotes n'aura pas lieu. Ils ont réussi à trouver un accord avec la direction. Et puis la manifestation de demain contre la loi travail est encore en suspens. Les syndicats refusent toujours l'idée d'un rassemblement statique et le gouvernement réfléchit encore à interdire ou pas un défilé. Pour ou contre le don d'organes, peu importe, mais il faut le dire à vos proches. C'est le message d'une campagne lancée à l'occasion de la journée de réflexion autour de ce don difficile mais indispensable. Et sachez que selon la loi, nous sommes tous donneurs présumés, sauf si vous avez manifesté le contraire, même oralement auprès de votre famille ou vos amis. On passe au foot avec l'Euro. Hier soir, défaite surprise de l'Espagne, battue 2-1 par la Croatie. Les Espagnols terminent deuxième de leur groupe. Ils affronteront l'Italie en huitième de finale. Ça passe aussi pour la Croatie, l'Allemagne et la Pologne. Aujourd'hui, ce sont les quatre derniers matchs de poule. À 18h, on a Islande-Autriche et Hongrie-Portugal. Et à 21h, Italie-Irlande et Suède-Belgique. Enfin, c'est le dernier jour pour les épreuves du bac ce mercredi. Et demain, ce sont les élèves de troisième qui passeront leur brevet des collèges. Courage à tous pour les dernières heures de révision. Il est à 8h33 et c'est Bruno dans la radio. Bon réveil et bonne matinée sur Fun. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. Bienvenue sur Fun Radio, il est 8h30. Alors, bonjour. Si vous vous demandez où est Bruno, eh bien, il arrive tout de suite. Il où étiez-vous, monsieur Bruno Guillon ? En réunion. Est-ce qu'à un moment, les gens se posent la question en écoutant la radio, ils se disent mais comment ils font quand ils font de la radio s'ils ont une envie d'aller au WC ? Et ben, ils font ce que je viens de faire. Je pensais vraiment que t'allais masquer le truc en disant que t'avais un truc urgent. Non, pas du tout. On dit la vérité. Non, les amis, voilà, j'ai eu une envie d'aller faire pipi, je peux aller faire pipi quand même, les amis. Alors, c'est vrai qu'après. T'es un peu dans un délire de dans le couloir, il y a Loosman qui arrive en disant Bruno, Bruno, sors voilà, les gars, je suis là, tout va bien. Regardez, je suis pas essoufflé, tout va bien. C'est ça, donc vu qu'il y avait, j'ai regardé 5 minutes de pub, t'es le seul mec qui fait pipi pendant 5 minutes. Ah, Elliot, mais c'est quoi ton délire? Ça fait une demi-heure que j'essaye de te sortir des vannes caca. Oui. Sors de ça, bordel. Bah, je veux qu'on t'humanise, Bruno. Allez, on enchaîne. Tout le monde. Le jeu des 30 secondes. Tic-tac, Fun Radio. Le jeu des 30 secondes. Bruno, c'est pas un tabou, t'as le droit de faire caca comme tout le monde, t'as le droit d'en parler. C'est vrai. Non, Elliot, moi, c'est le même gars, c'est le gars, tu essayes de le sauver, il se noie, d'accord? Tu galères pendant 10 minutes pour le remonter sur le bateau alors que le gars est en train de se noyer et une fois qu'il est à côté, il fait « Hey, regarde, je vais faire un salto !» et il replonge. Mec ! Non, mais il t'a rendu touchant, moi, je trouve. Mais ouais, pour le les gens s'en foutent. Du ah non, ah non. Les gens, écoutent là, ils ont envie d'autre chose, je te promets. Allez, 8h35, on joue ce matin avec Elodie, elle est à Agen. Oh. Elle est étudiante en STAPS, elle a 19 ans. Applaudissements pour Elodie. Salut la famille. Salut, salut ma belle. Salut Hello. Elodie, Staps, donc sport, prof de sport plus tard peut-être. Ouais, ou prof des écoles, je sais pas trop encore. D'accord, très bien. Staps pour Elodie. Derrière, c'est quoi? C'est Steve Aoki. Il va venir nous voir à Ibiza, Steve Aoki. J'adore. DJ de ouf, Steve Aoki. Tu joues ce matin, Elodie, face à Nicolas. Nico, il est dans le 78, des Yvelines, donc. Il est technicien en automatisme. Applaudissements pour Nicolas. Et là, derrière nous, c'est Martin Solveig. Il va venir nous voir aussi, Martin, là, dans l'émission, demain, après-demain, en direct d'Ibiza. Nicolas, Elodie, je vous rappelle la règle du jeu des 30 secondes. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Celui de vous deux qui aura trouvé le plus de mots dans un premier temps va gagner un overboard. Overboard, c'est 500 euros pour un bel overboard. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il est canon. Et vous participerez au tirage au sort qui, vendredi, vous emmènera avec la personne de votre choix à Londres. Et à Londres, vous serez en VIP, le séjour vaut 3000 euros, d'accord? Donc quand on voit le prix de l'Eurostar, etc., je peux vous dire que c'est un très beau séjour. Et vous assisterez à l'avant-première du film qui aura lieu au cinéma Empire Leicester Square. C'est dans le cœur de Londres, c'est là où il y a toutes les avant-premières de films. Le petit square devant est juste joli. Il y a Capital et Femme d'ailleurs qui est... Bon, bref. Et donc, vous verrez l'équipe du film et vous allez vous faire kiffer. Et bien entendu, la découverte de la ville avec un pass sans limite, d'accord? Oh, ça serait super. Elodie, Nico, j'ai gagné le jeu des 30 secondes hier. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont dit « Oui, mais vous avez mis des noms propres. » Depuis le début du jeu des 30 secondes, il y a des noms propres dans la liste. C'est pas parce que c'était Elliot, puisque je rappelle qu'on ne sait pas qui va tomber sur cette liste. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne joue pas, j'ai gagné hier. Elodie, tu veux jouer avec qui? Moi, je veux jouer avec Christina. Yes. Christina, ok, très bien. Nico, tu veux jouer avec qui? Moi, je vais jouer avec la magnifique Karina du JPI. Ah, merci. Duel de filles. Ouais, je sais pas si ça, si une fois, je crois qu'on l'a fait. On l'a déjà fait, j'avais gagné. Ouais, mais ça, c'est les filles qui vont gagner. Vous voulez pas le faire en maillot de bain dans la boue? Ah, ouais. Mais on verra ça demain, va. D'accord, très bien. C'est dans la boue, dans la piscine. Elodie, tu sais quoi, c'est moi qui choisis, c'est toi qui vas commencer. Elodie, donc, avec Christina. Ok. Ok, ça marche. Christina ne connaît pas la liste des mots. Dès qu'elle a la liste en main, on lance le chrono. Tu as 30 secondes pour deviner un maximum de mots. Elodie, est-ce que tu es prête? Oui, très prête. Top chrono. Top chrono, c'est parti. Ok, alors c'est sur une voiture, ça sert à rouler. Il y en a 4, ce sont des... Ouais. L'autre mot. Les pneus. Oui. La personne qui construit des maisons, qui dessine les maisons, ça s'appelle comment? Architecte. Ouais. C'est un pays où on dit que les gens sont neutres. Il y a beaucoup de gens qui plantent de l'argent là-bas. Oui, c'est ça. Au-dessus d'un t-shirt, tu mets un. C'est ça. Les cheveux sur le front, comment ça s'appelle? Frange. Oui. Frange. Quand on n'a plus d'électricité. Ça va, c'est bien. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. 5, c'est. Ouais, ça va, c'est cool. Bravo. La Suisse, j'accepte. Pull, elle a dit sweet après, mais elle avait dit pull avant, donc tout va bien. Et la frange. Carinuche. Ouais, 5 points, ça va être. Ça commence déjà à être un beau match, Nicolas. Ouais, Nicolas, il faut être concentré. Il faut être en Bluetooth, les deux amis. Karina, est-ce que t'es prête? Ouais, je suis prête. Allez, mon Nico, on va y arriver. Top chrono, c'est parti. Ok, il y a l'addition et le contraire, c'est la soustraction. Ok, c'est une chanteuse, elle a les dents hyper crades. Zaz. Ouais, tu passes le balai ou sinon un truc électrique, c'est L'aspirateur. Ok, c'est dans le film Ghost, il y a une scène hyper sexe où ils sont tous les deux. La poitrine. Ouah, putain. Lent comme un. C'est un mollusque. Enfin non, ça bave, ça laisse des traces. Ça a une coquille. Une coquille, un escargot. Ouais. Quand tu te trompes, tu. Ah. Oh là là. Égalité. Là, franchement, poterie. Regarde et regarde-moi bien. Là et regarde. Merci. Bravo Nico, t'as assuré mon gars. Merci Karine, nickel. Poterie, il est ouf. Ah ouais. Bah faut avoir vu le film, hein. Ouais. Bon. Elodie, Nico, le truc, c'est que vous êtes à égalité. Ça veut dire que pour vous départager, je vais vous faire deviner un mot. Celui de vous deux qui trouve le mot en premier repart avec l'overboard et peut-être le voyage à Londres. D'accord? Ok. Ça va aller vite. C'est une expression. On dit « il faut pas m'aimer dans les orties ». Pousser. Elodie, c'est gagné! Bravo ma chérie! Overboard, est pour toi, ma chérie, d'accord. Ça, c'est le premier cadeau. Et puis, on te rappelle vendredi pour le tirage au sort pour Londres, d'accord? Ah, merci beaucoup. Merci Je te fais des bisous. Passe une belle journée. Ciao. Nicolas. Ouais. On t'offre un casque, Bruno, dans la radio. Je t'embrasse, mon copain. Ah, merci de la famille. Gros bisous à vous, vous êtes génial. Bisous à toi. Chainsmokers, tout de suite, c'est sur Fun Radio. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now, it's in my head. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Fun Radio tous les matins. Noémie fait partie des auditeurs de Fun. Elle a appelé le 3228. Salut Noémie. Salut la famille. Oh là, une petite voix. Noémie, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah Noémie, elle va partager la honte du jour. T'as eu une honte hier en faisant un jogging, c'est bien ça ma belle? C'est ça. Elle va nous raconter quelle honte on peut avoir en faisant un jogging. Ne jamais faire de sport déjà. Faut pas. Carly Rae Jepsen également, ça arrive sur Fun Radio. Vous écoutez la première radio Dancefloor de France, les amis. On revient juste après ça. Ce soir, 19h-20h, c'est le Before Party Fun sur Fun Radio. Pendant une heure, j'y vais au micro, Adrien Thomas au platine. Une heure de nouveautés. We got a beat going on. De versions inédites et d'exclus. À mettre à fond maintenant dans le Before Party Fun. Can you call me my friend? Le Before Party Fun. Le Before Party Fun. 19h-20h sur Fun Radio. Montez le son. Dance floor. Qui habille colore la vie. Les filles, aujourd'hui, vous allez être folles de joie. Oui, les soldes d'été sont chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles. Jusqu'à moins 70% pour relooker toute votre tribu. Les soldes d'été chez Kiabi, même les hommes vont se lâcher. Yes! Offre valable sur articles signalés du 22 juin au 2 août. Date selon décret, conditions magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Dans la vie, Claire a beaucoup de mal à contenir sa joie. Surtout quand arrivent les soldes. C'est les soldes chez Auchan, gourou! Et oui, aujourd'hui chez Auchan, les soldes, c'est jusqu'à 70% de réduction sur des vêtements et chaussures hommes, femmes, enfants, bébés, mais aussi sur de la déco de la maison, de l'électroménager et sur des produits high-tech. Et les soldes, c'est aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime, sur les produits signalés dans la limite des stocks disponibles. C'est parti! Les soldes chic et sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Bah, retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Les plus grands DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 14, 15 et 16 juillet pour l'Electro Beach 2016 avec Fun Radio. Electro Beach. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Electro Beach. Fun Radio. C'est 8h48, c'est Fun Radio, bon réveil la famille. Ça arrive là dans 3 minutes, j'adore ce son. C'est le clip avec le mec super musclé qui passe la tondeuse à gazon et l'autre est amoureuse de lui, ouais. Elle n'ose pas le dire. Ce qui n'arrive jamais. Hein. C'est Elliot qui a joué dans ce clip, mais il fait la tondeuse à gazon. En fait, il faut savoir que moi, dans la vie, j'ai beaucoup de muscles, mais je mets des prothèses de graisse pour ne pas vous rendre jaloux. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Quand je vois la gueule des gens qui font les jardins, des fois je me dis que c'est pas complètement le même gars que dans le clip de Carla Rae Jepsen. Bonjour Noémie. Salut. Rebonjour. Oui, re-salut. Noémie, tu es notre loseuse du jour. Et c'est pour ça que tu as appelé le 3228, tu habites à Brest, t'as 22 ans, tu fais quoi dans la vie? Je garde des enfants, enfin... Ouais, tu te démerdes quoi. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire que tu fais des trucs, mais ouais... Puis comme tu déclares pas tout aux impôts, tu veux pas trop en parler à l'antenne. C'est ça, on va dire, non. Ouais, non, mais je comprends, non, mais attends, dis donc, on est dans la débrouille, hein. On est en 2016, chacun se démerde comme il peut, tu vois ce que je veux dire. Noémie, qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Moi, hier, donc, en quittant le boulot, j'ai été faire mon footing tranquille. Le souci, c'est que en rentrant, je me suis fait klaxonner de tous les côtés. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont, les mecs, aujourd'hui? Et donc, à un moment, pas loin de chez moi, j'ai une voiture qui m'a encore klaxonné. Et puis, il y a un mec dedans qui me fait, excusez-moi, il y a un petit souci, je crois. Je le regarde avec un air, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Puis, il me fait, je crois que vous avez un trou dans le pantalon. Alors, du coup, j'ai tracé. Et en rentrant à la maison, en me changeant, je me suis aperçue que c'était pas des conneries, quoi. Mais c'est quoi un trou? J'avais bien un trou. Taille d'une main, quoi, aux fesses. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais, ah bah c'est bizarre de pas s'en rendre compte. T'as pas senti un petit peu d'air sur les fesses? Non, même pas. Je courais, j'ai pas. Je trouve que c'est une belle anecdote. Moi, j'avoue, ça peut me motiver à courir. Autant je déteste le jogging, autant une femme comme ça qui passe, mais je peux courir derrière, même si elle va à 200 km/h, je tiens le rythme. Il n'y a pas de souci. Noémie, je suis assez d'accord. Je te fais des bisous, ma belle. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. En parlant de ça, putain, hier, je suis tombé. Là où c'est, le problème, c'est que dernière semaine avant les vacances, tu te couches tard. J'ai regardé Relooking Extreme hier soir sur W9. Ouais. Et il y avait une nana dans Relooking Extreme qui pesait 170 kilos, d'accord. Ouais. Sur un gros dossier, ouais, d'accord. Et donc, avec le gars qui s'occupe de faire le Relooking, qui est un super beau gosse en plus, là. J'ai bouffé son nom. Je sais plus comment je l'aurais pas, personne ne l'aurait. Il y avait un blond, enfin, Barak, c'est qui s'occupe. Moi, je le trouve vachement bien, ce mec. Et la nana, au bout de 3 mois, il lui fait courir. La nana a jamais couru de sa vie. Et au bout de 3 mois et demi, il lui fait courir un marathon de 42 kilomètres. Sérieux? Putain, et moi je me suis mis au running il y a 2 mois et demi, j'arrive à peine à en faire 10 et encore à 10 km, on publie mon acte de décès en général. Sur les 10 km, t'as pris 2 fois le bus quand même. C'est ça. Ouais, bah, c'est vrai, je fais le premier kilomètre, j'ai pris un bus pendant 8 km, j'ai couru la fin, normal quoi. 8h51, le JPI arrive, journal pour en image, le faux journal de l'émission. Ce sera dans 3 minutes sur Fun Radio, le temps de se faire un petit plaisir. Voilà, souvenir, Carly Rae Jepsen, tout de suite, c'est sur Fun. Oh, vous avait demandé d'envoyer Bruno par SMS au 74 900. Je l'ai dit à 8h15. Je vous oublie, pour les SMS, là, pour le tirage au sort. Vous avez envoyé Bruno par SMS au 74 900. Ben, on va faire le tirage au sort là pour vous filer 2000 euros cash. Vous savez quoi? Je vous appelle après le JPI. Si ça sonne chez vous, vous avez intérêt à décrocher. Il y a 2000 euros à la clé. Pour l'instant, JPI. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, événement, aujourd'hui c'est le premier jour des soldes. Ah bah bonne nouvelle, on va enfin pouvoir parler tranquillement de football maintenant. Bon plan, et rappelons que le début des soldes, c'est l'occasion d'acheter un jean en taille 36 alors qu'on fait un 42, et de se dire qu'en forçant un peu, bah, ça devrait passer. Anthony Vosovic est justement parti enquêter pour le lancement des soldes d'été. Anthony. Calme, calme. Qu'est-ce qui se passe, Anthony, là? Je suis devant un magasin H&M, les clientes sont déjà là. Pour les calmer, je vais leur jeter une robe à moins de 50. Hop. Doudou, doudou. Courage Anthony, et à demain pour un nouveau reportage. Et pour finir, scoop en Asie, l'ami du petit déjeuner et l'ami Ricoré du Nord. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. C'est mercredi, c'est le 22 juin. Je vous offre 2000 euros cash maintenant. Vous avez envoyé Bruno par SMS, ça tombe bien. Je vais appeler un appel au hasard, voilà. Un SMS qui a été choisi au hasard par l'ordinateur. J'appelle, ça décroche, c'est 2000 euros cash. Ça décroche pas, j'en appelle un autre. Ça décroche pas, j'en rappelle un autre. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Nico. Je ne suis pas là. Laissez-moi vos coordonnées, je vous rappellerai dès que je peux. Merci, au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Nico, je te laisse mes coordonnées. C'est Fun Radio 101.9, la fréquence à Paris, en tout cas. T'avais envoyé un SMS pour gagner 2000 euros, mais tu es sur répondeur. Ah, quel dommage. Eh oui, c'est dommage. On te fait des bisous. On t'embrasse. Voilà. Message qui fout les boules un peu. Bah ouais, mais on lui envoie des bisous quand même, c'est cool. Mais ça, il faut décrocher. Il faut décrocher. Oui. Voilà, c'est la règle. C'est tout simple. On les file ces 2000 euros. Je veux juste que ça décroche. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Lucie. Pardon? Lucie. Non, Justine. Justine. Justine, Justine crache ce BN. Justine, tu habites où? À Stéphane-Cligny, à côté de Rennes. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis banquière. Eh ben écoute, allez, là les gens vont dire, ok, d'accord, bah, c'est toujours au même que va l'argent. Tu gagnes 2000 euros cash. Bravo. 2000 euros cash, tu as envoyé Bruno par SMS. Eh bien, tu vas te repartir avec ce chèque. Alors, tu sais comment ça se passe. Donc, toi, ça va aller même encore plus vite parce que je suppose que ton compte est dans la banque où tu travailles. Exactement. Bon, c'est la banque à la fée. Eh bien, je t'envoie le chèque là par Chronopost. Tu vas le recevoir demain. Tu le mets sur ton compte tout de suite. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien, je te fais des bisous. Tu nous écoutes depuis longtemps, Justine? Oui, très longtemps, parce qu'à l'époque, sur la radio, j'écoutais quand c'était Arthur de l'après-midi à 16h. J'écoutais Max, la ventaine de Max à 21h. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Ah oui, donc t'écoutes Fun depuis 1922. Exactement. Et c'est pour ça qu'on t'entend mal, c'est un téléphone que t'avais gagné à l'époque. Faut le changer hein, maintenant. Justine, tu ne quittes pas, je te passe le standard, ils prennent tes coordonnées, d'accord hein. Ok, ça marche. Bisous, ma belle. Ciao, ciao. Bisous. Oh, bisous. 2000 euros cash, ça fait plaisir. David Guetta, Zara Larsson, This One's For You, c'est ce qui arrive dans le quart d'heure. Il y aura le nouveau Galantis, No Money, le top 3 d'Eliott qui se prépare. Bah, dis quelque chose. Je suis en train de bosser, tu vois, pour la radio. Oh, bah, excuse-moi, pardon. Top 3 d'Eliott, là, c'est dans moins de 3 minutes. A tout de suite. Maïf. C'est quoi une meilleure assurance habitation? Alors, au fait, ton emménagement, ça s'est bien passé? Ah ouais, super. Mes nouveaux colocs sont au top. Et comme l'assurance habitation est à la Maïf, j'ai rien eu à faire. Ah bon? Ouais, tout était déjà assuré. Même mon ordi, mon téléphone, mon vélo. Ah ouais? T'es avec des pros de la coloc, là. Ouais, j'avoue. Et dis-moi, tu penses qu'il resterait une petite place? Maïf First, assurance habitation pour les locataires et colocataires de moins de 30 ans. On a tout à gagner à se faire confiance. Maïf, assureur militant. Ah, quel beau match, Lionel! Ah oui! Baudin tiré, c'est le... L'alerte discount spécial frais. Aujourd'hui et demain, les cuisses de poulet aromatisées à la provençale ou à la mexicaine sont à 2,29€ le kilo chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Barquette de 3 kilos environ, transformée en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Chez Sarenza, c'est parti pour les soldes. Allez, d'entrée de jeu jusqu'à moins 60% sur les chaussures. Cette mesure drastique vient d'être prise par Émilie, responsable des soldes Sarenza. Un peu tendue en ce premier jour. Ça va, Émilie ? Ouais, j'ai fait petit déjeuner détox et méditation transcendantale. Allez, les clients, encouragez-la. Allez, Émilie ! N'oublie pas mes Nike ! Je veux mes chaussures demain, hein. Allez, vite, Émilie, plus vite, Émilie. Avec des soldes chaussures comme ça, difficile de rester zen. Sarenza.com. Ça, c'est un bon plan. 58 centimes la baguette chez Leclerc. Et attention, on est sur une vraie bonne baguette. Du 22 au 24 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la baguette de pain les trois meuniers de 250 grammes à 58 centimes, soit 2,32€ le kilo. Inutile de résister, une baguette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur article signalé en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est le top 3, ça va arriver là, dans moins de 2 minutes sur Fun Radio. Je peux te demander ce qu'il va y avoir dedans ou pas ? Oui, quand même, ça va, je peux travailler un petit peu. À 6h45, soyez là, on a une auditrice qui était d'un glamour magnifique, c'est à mourir de rire. Un gros fou rire à 6h45 ce matin. Je suis en train de le réécouter, c'est énorme. Bon, on va écouter ça après les infos. Fun Radio, le son Fla. Le point sur l'actu de ce mercredi, c'est le 22 juin, c'est Justine Salmon pour les news. Bonjour à tous et bienvenue, on y va pour la météo. Enfin, c'est l'été pour presque tout le monde. Un grand soleil sur la plupart du pays. Ce sera en revanche couvert, orageux, avec un peu de pluie en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie. Les températures sont estivales, de 15 à 20 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 23 à Quimper. Il fera 25 degrés à Lens, 29 à Strasbourg, jusqu'à 31 degrés à Orléans. Et même temps attendu pour demain. On vient de l'apprendre, le préfet de police annonce l'interdiction de la manifestation de jeudi à Paris. Les syndicats avaient indiqué qu'ils refusaient un rassemblement statique et donc la manifestation de demain est interdite. Toujours dans un contexte social, une bonne nouvelle, si vous devez prendre l'avion ce week-end, les pilotes d'Air France ne feront finalement pas grève. C'est ce mercredi, la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. En France, plus de 57 000 personnes vivent grâce à une greffe, mais plus de 21 000 malades attendent toujours d'être bénéficiaires. Sachez que selon la loi, nous sommes tous donneurs présumés, sauf si vous avez manifesté le contraire, même oralement, auprès de vos proches. On passe au foot avec l'Euro et la défaite surprise de l'Espagne hier soir 2-1 face à la Croatie. Les Espagnols terminent deuxième de leur groupe et affronteront l'Italie en huitième de finale. Qualification également de la Croatie, de l'Allemagne et de la Pologne. Aujourd'hui, ce sont les derniers matchs de poule. Nous connaîtrons donc ce soir l'adversaire de l'équipe de France. À 18h, on a Islande-Autriche et Hongrie-Portugal. Et à 21h, Italie-Irlande et Suède-Belgique. C'est le dernier jour pour les épreuves du bac ce mercredi et demain ce sont les élèves de 3e qui passeront leur brevet des collèges. Et puis enfin, ça y est, c'est parti. Coup d'envoi des soldes d'été depuis 8h ce matin dans les magasins mais aussi sur internet. Vous avez 6 semaines jusqu'au 2 août pour en profiter. Il est 9h04, bon réveil à tous et bonne matinée sur Fun. C'est tout de suite Bruno dans la radio. Radio. 9h04, vous écoutez Fun Radio, c'est mercredi aujourd'hui, c'est le 22 juin. Bonjour! Bonjour! David Guetta arrive dans quelques secondes avec Zara Larsson, This One's For You, No Money, Galantis, il y aura Deoro, Bailar. C'est Jay qui va vous balancer tout ça, qui prend les commandes de la Dauphine jusqu'à midi. Ça va mon poteau? Ça va Bruno, ça va super. Tu pars quand toi, Ibiza? Moi, je pars demain. Demain, quelle heure? Je pars à 8h du mat, je crois. 8h du mat, d'accord. Ah ouais, c'est pas toi qui es là demain matin à l'antenne alors. Non, et c'est surtout pas moi qui serai dans le même avion que Luzman en fait. Ah bah je pensais à ça. C'est bien. C'est quoi, c'est mieux, c'est mieux. Tiens, hashtag Bruno Fun Radio. Grégory qui dit sur Twitter, merci, ça va jamais à ceux qui en ont besoin. Hashtag Bruno Fun Radio, hashtag dégoûté, hashtag j'ai plus de thunes. Parce que tout à l'heure, on a fait gagner 2000 euros à une auditrice qui disait qu'elle travaille dans une banque. Les amis, c'est pas parce que tu bosses dans une banque que t'es millionnaire. Non, bah, non, rien à voir. Si t'es directeur d'agence et tout, ça, tu commences à avoir une situation plus que confortable. Mais sinon, quand t'es banquier, genre au premier niveau. Bah, t'as un SMIC en fait. C'est pas ouf. Sortez des clichés, les gars. Tu peux bosser dans une banque et être à la ramasse. Hein. Puis c'est même pire parce que quand t'es à découvert, bah, en fait, tu le vois tous les jours. Et ton patron te le rappelle au quotidien. C'est un truc de ouf. Bon, l'équipe de Bruno dans la radio est là. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour. Est-ce qu'on se fait le top 3 maintenant? Bah, eh bah c'est parti. Le top 3 d'Eliott. 3, 2, 1. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. On y va avec le numéro 3. Numéro 3. Et oui, numéro 3, c'était à 6h15, c'était tôt dans l'émission. Je voulais rediffuser un moment du quiz de Christina parce que honnêtement, elle le fait souvent, mais là, il était vraiment intéressant. Ah bah c'est sympa pour les autres fois. C'est un peu comme quand on dit ah t'es jolie aujourd'hui. C'est ça. Non mais il est tout le temps intéressant. En gros, elle nous a fait un petit quiz sur les joueurs de l'équipe de France. Ouais, nous donner un peu leurs habitudes, leurs délires. On a appris des choses de ouf, franchement, que je connaissais pas moi. Par exemple, on a appris que Griezmann, il jouait en manche longue parce qu'il était fan de David Beckham. Exactement. On a appris plein d'autres choses. Je vous propose de réécouter ce qu'on a entendu ce matin. Moi, je pensais qu'il avait froid. Non, pas du tout. C'est pour faire comme David Beckham. Il l'a avoué dans une interview. D'accord. Est-ce que sa femme est un peu comme celle de David Beckham aussi? Ah, elle est pas mal, Madame Griezmann. Oui, non, mais j'avais oublié, pardon, que quand t'étais footballeur, t'avais de la thune et que tu sois beau ou pas, de toute façon, en général, tu t'en tires bien. Oui. Sauf si tu t'appelles Franck Ribéry. Allez, autre question. Au début de sa carrière de footballeur, il était en même temps stagiaire dans un magasin de prêt-à-porter à Nantes. Paillette. Exactement. Il était formé à Nantes et en même temps, donc, il a fait un BEP vente. Ouais. Et donc, il était au tout début de sa carrière au FC Nantes. Et donc, il fallait qu'il valide son BEP. Ouais. Donc, il a fait un stage dans un magasin de prêt-à-porter. Et est-ce qu'il mélangeait les deux boulots des fois? Genre, pendant un match, il s'arrêtait devant l'adversaire. Il faisait attends, je vais chercher le même maillot, mais en M. Ça va moins de bout du nez. Vous êtes bête. Surtout, Vaché, il vous fout. C'est toi qui es con. Et j'en ai un petit supplémentaire, si vous voulez, que j'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure. Ah, qui concerne. Bien. Qui concerne un joueur de l'équipe de France. Ouais. Il y en a un qui roule sans permis. Il qui roule en voiture sans permis. Bah Benzema. Non, pas du tout. C'est un autre. Ouais. Non, qui est vraiment en équipe de France là. Sérieux? Il ouais. Genre la cacahuète qui fait. Exactement, parce que tu vois, ils ont tous des belles voitures de sport et tout. Bah lui non, il a une voiture sans permis. Oh, c'est génial. Alors, attends, qui ça pourrait être? Attends, ne nous le dis pas. Qui a une tête de sans permis? Il faut réfléchir à une vraie tête de sans permis. Moi, j'aurais dit Gignac, mais on l'a déjà signé. Non. Dans ceux qui sont titulaires ou ceux qui sont sur le banc? Ah, je sais pas s'il est vraiment sur le banc. Lucas Digne? À moitié. Non. Mais Digne, il est pas dans la liste des 23. Putain, tu sais quoi, je peux bloquer pendant 1000 ans. Payet, non, on en a parlé. Martial, Anthony Martial. Exactement, c'est vrai, non. Ouais. Mais il fait 2 mètres. Bah ouais, mais il roule en voiture sans permis. La honte. Mais il joue à Monaco? Non, il joue plus à Monaco. Manchester. Manchester, maintenant. Ouais. 80 millions d'euros, il a été transféré. Et tu sais ce que c'est, t'es payé 80 millions d'euros, tu vas en boîte, tu bois de l'alcool, excès de vitesse et boum, plus de permis. Non, après, c'est pas ça, c'est qu'il il a pas de permis. Ouais. T'imagines, pour fuir les paparazzis, c'est impossible, en courant, il te rattrape. Lâchez-moi. Numéro 2. Pardon. Numéro 2. Bruno, ce matin, tu nous as lâché le top 10 des chansons les plus efficaces pour draguer. Bon, par exemple, c'était Call Me Maybe en premier, on l'a écouté d'ailleurs derrière. Donc, du coup, tu nous as demandé à nous quelles étaient les chansons qu'on trouvait efficaces pour draguer. Christina a répondu et j'ai mis Vaché aussi, réécoutez. L'équipe, j'ai pas demandé à l'équipe. Christina, c'est quoi toi ton titre idéal? Ah, moi ce serait Robbie Williams. Ah, pas mal. Tu te fais plaquer contre un mur. Bah dis donc, ça agace. Mais c'est fait pour ça ce titre. Le truc c'est hyper romantique avec un soul. Tu te fais plaquer contre un mur. Il te crache au visage. Il te fait c'est maintenant et tout de suite. T'enlèves ton slip. Et là le mec calme-toi. Vaché, c'est quoi toi ta chanson? Bon ouais, c'est pas hyper classe, mais je trouve que ça marche bien. C'est Cotton Eye Joe. Quoi? Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Cotton Eye Joe. Mais ça pour draguer. Hein. Et mec, en soirée, t'as déjà fait des soirées genre en boîte un peu sympa? Si je fais une soirée en boîte où il passe ça, je pars. Mais non, mais ça, en fin de soirée, c'est génial parce que c'est le moment où en fait t'attrapes quelqu'un par la main, tu vois, et tu commences à danser avec elle et tu rigoles. D'accord. Tu vois, et t'es là. Et puis après, à force de rigoler, tu dis bon, on a un série, maintenant on va dans la voiture. Cotton Eye Joe. Quand j'avais 18 ans, alors, ok, je suis plus tout jeune, mais quand j'avais 18 ans, ça marchait du tonnerre. Ah ouais, mais de ouf. N'importe bizarre, quoi. Hein. Numéro 1. Allez, numéro 1, c'était à 6h45, enfin un peu avant d'ailleurs, dans le chiffre du jour. On a parlé voilà, de la particularité qu'avaient les garçons qui portaient une moustache. Et le chiffre, c'était 760 fois, je crois. 760 fois, ils se touchent la moustache tous les jours. Exactement. Et quand on a demandé, d'après vous, quelle est la particularité des gens qui ont une moustache, on a une auditrice qui nous a appelé pour nous parler de son chéri. Bah, t'as qu'à faire mon boulot. J'ai l'impression que là, tu vois, pour une fois, sur un lancement du top 3, tout le monde a écouté. Ouais, mais bon, est-ce qu'un lancement bien fait, c'est bien? Réécoutons cette auditrice, bah oui. Et vous allez voir, on a la classe à l'état pur. Et les moustachios ont une particularité, d'après toi, laquelle? Je dis qu'ils sont plus performants au lit. J'ai la preuve à la maison. Ah le mien est moustachu et il assure comme une bête. Ouais, mais alors, pour faire la comparaison, est-ce que t'as essayé? Ah, il assure. Mais vous avez compris pourquoi je dis ça? C'est rapport à sa teub. Mais non, mais on a compris, madame. Ah, je l'aime bien, sa moustache. Celle du haut, celle du bas aussi. Le cigare à moustache. Oui, non, mais on a compris. Arrêtez maintenant. Noémie. Ah, la princesse, quoi. Elle est... C'est ça. Ah, putain, je suis décédée. Tu viens... Tu nous as vendu du rêve. Mais, hey, retourne-y, hein. J'y vais, là. Et elle a mis tire sur mon doigt. Mais... J'ai adoré ce moment. Extraordinaire. On a une soirée avec Noémie, on doit se marrer. Bon, quel est le point commun entre Alexis Duchaussois, qui m'a posté une photo depuis Amiens, entre Alizé Meslot, qui a posté une photo sur Facebook depuis Maubeuge, entre Maïri Réavani à Dieu-sur-Meuse, qui a posté une photo aussi, Sébastien Dumange, qui est à Reims, qui vient de poster une photo. Je sais. Fishing Boy, qui a 50 bandes de Paris, qui a posté une photo, je le dis parce qu'il y en a plein. Jennifer de Lorient qui a posté une photo, Steven dans la Somme qui a posté une photo. Quel est le point commun entre tous ces gens d'après vous? Ils ont le soleil. Eh ben non, justement, depuis ce matin on dit qu'il y a un grand soleil partout en France. Ils ont posté des photos où c'est le déluge. Oh non, tu rigoles. Oh, bon courage. Et nous on fait que dire que ce que nous dit Météo France, hein. Mais ouais, mais ils déconnent depuis quelques semaines là, ouais, non? Ouais, je crois qu'ils sont déprimés eux aussi. Ils doivent passer la journée dans la truc météo à boire des shots de vodka, fumer des pêtes en disant ça y est, c'est plus possible. Les amis, nous allons vous laisser, mais nous vous retrouverons demain. Sauf que demain, nous ne serons pas dans le studio habituel de la rue Bayard à Paris, 8e arrondissement, mais sur le rooftop de l'Ushuaïa Hotel à Ibiza. Yeah. En direct d'Ibiza, dès demain matin à 6h, streaming vidéo bien entendu. On vous a prévu une tonne de défis. Je peux vous dire que les deux émissions qu'on vous a prévues pour demain et après-demain sont complètement dingues, avec des invités de choix, puisque viendront nous rendre visite dans l'émission David Guetta, Steve Aoki, il y aura également Armin van Buuren, il y aura Martin Solveig, il y aura The Avener, il y aura Feder aussi qui va passer nous faire un petit coucou. Donc on a ce qu'il faut en termes de DJ, en termes d'épreuves, on a ce qu'il faut. Et puis alors, et suivez-nous sur Facebook, notamment facebook.com/Bruno dans la radio, puisque on a quelques défis, dont un en cours avec Aurélien, notre standardiste, Loseman, pardon. Oui. Parce que Loseman a l'obligation, en arrivant à Ibiza, on arrive à Ibiza à quelle heure? À 13h50. 13h50. Ouais. Dès qu'il pose le pied par terre. Ouais. Sur le tarmac de l'aéroport. Et jusqu'à la fin du séjour, il doit danser. Ça va être ridicule. Et dès que les caméras sont sur toi, je veux que tu danses. Oui, oui, bien sûr. Tu as le droit de faire des pauses, etc. Mais oui, par exemple, tu es en train de faire pipi, la caméra vient sur toi, tu danses. Ah, ça va être mais si drôle. Partout, c'est pas bien. Tu te débrouilles. Ah putain. C'est le but. Oh là là. D'accord. Rendez-vous demain, les amis, et toute l'équipe de Fun Radio va être là-bas. Voilà, il y aura l'équipe du soir, tous les animateurs, tout le monde pour aller faire la fête. Et on vous fera vivre ça en direct, heure par heure, minute par minute. Je vous fais les bisous. C'est notre G qui nous accompagne. Oui. Jusqu'à midi. Bah bon vol alors la famille. On se retrouve demain au bar en fait. Ouais. C'est ça. Ça. Je ne bois pas d'alcool. Donc, je tiens à vous dire déjà, ça va mal partir l'histoire. Tu peux prendre un citron pressé. Bouh.

son dance floor. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I love dancing.